Mais c'est quoi cette odeur de merde? Calme-toi, Delaxe, c'est juste l'Afrique. Ah, et ça pue toujours autant comme ça? J'ai ramassé des échantillons de fèces proboscidiens en chemin. Ouais, t'as mis de la merde d'éléphant dans ton sac, quoi. Génial. Y'a pas à dire, c'est très beau, mais t'es sûr qu'il y a un glovoque ici? D'après mes analyses spectrométriques, oui. Le lac Victoria abrite plusieurs variétés de glovoques particulièrement rares. Wilhelm, rapproche-nous du centre! Je crois que Kunta a repéré quelque chose au fond. C'est quoi cette ombre au milieu du lac? On dirait un nénuphar albinos géant. Mais y'a un truc dessus. Ouah! Regarde, Delaxe, c'est un Phrynobatrachus roussi, un spécimen unique de crapaud. C'est une espèce endémique rarissime, Delaxe. Endémique! C'est quand même bizarre ton cas d'amnésie. Tu peux te rappeler des nomenclatures d'espèces, mais pas de ton histoire. On devrait se rapprocher un petit peu. Attention, 10130! Eh merde, cet idiot est tombé dans la flotte! Ah, c'est bien la peine d'avoir autant de doctorats pour crever comme une merde en glissant d'une pirogue. Vite, Kunta, il faut le sortir de là! Ah, en plus, cette eau est dégueulasse, je peux pas y rentrer, il y a sûrement des microbes mortels dedans. Comment ça, je suis un babtou fragile? Je suis juste très méfiant dans mon environnement inconnu. Déjà, un nénuphar géant albinos, j'en avais jamais entendu parler, ok? Alors vas-y, toi, t'es un chien, tu sais nager, non? Wilhelm et moi, on va rester ici, on va surveiller la barque. Que cherches-tu ici, fils d'Afrique? Quitte cette eau avant que je ne digère mon dernier repas. Oh, je vois que tu n'as plus de mémoire. Ton pacte avec le diable t'a détourné de tes ancêtres. Fils d'Afrique, fuis ces eaux avant qu'elles ne t'avalent. L'aide que tu y cherches n'existe pas. Oh, je vois. Je ne peux t'aider dans ta quête, mais je peux t'offrir une partie de ton histoire si tu renonces à plaquer le glovoque. Puisque c'est ainsi, je prendrai ta vie de force en échange de ta mémoire. Qu'est-ce que c'est que... 10130! Quel bonheur de te revoir sain et sauf, mon bel ami! Oh mon dieu! Ça a tué Wilhelm! Qu'est-ce que c'était que cette merde, 10130? Je crois que c'était l'esprit du lac Victoria. Comment ça, l'esprit? Non mais tu déconnes, ça existe pas, les esprits. S'il y a des ours polaires au Groenland, pourquoi il n'y aurait pas des esprits en Ouganda? Kunta, t'es d'accord avec lui? Et qu'est-ce qu'il voulait, cet esprit? Me mettre en garde contre le glovoque ougandais. C'est tout? On n'a pas besoin d'un esprit pour nous rappeler l'absurdité de la chasse d'une bête aussi mythique que le glovoque? Non, il y a autre chose. Quoi donc? Il m'a rendu une partie de ma mémoire. Et alors? De l'axe. Maintenant, je me rappelle. Je suis noir! Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode de Glovoque. Je suis Delaxe et encore une fois, je suis en compagnie du légendaire vingtuplé diplômé 10130. 10130, ça va ce soir? Bah, ça va, vite fait, je suis quand même un peu malade. Voilà, tu es un peu malade ce soir. Mais j'ai quand même mis beaucoup d'énergie à venir enregistrer cet épisode parce que quand on prend un engagement, il faut le tenir. Exactement. Alors après l'Europe, après l'Arctique... Il était temps pour nous de faire honneur à l'hémisphère sacrifié de la mondialisation. Alors du coup, j'ai réfléchi à cette idée, moi, d'hémisphère. Et quand on y pense, c'est vrai que c'est plutôt intriguant. Pourquoi est-ce qu'on a décidé un jour de diviser notre sphère en deux? Il faut s'imaginer, donc il y a une boule de terre qui tourne en rond dans le vide sidéral, et les indigènes de cette terre ont décidé de la diviser en deux. Donc ceux du nord auront l'argent, le pouvoir et les armes, tandis que ceux du sud porteront sur leur dos le poids de l'arrogance et de la tyrannie de l'autre demi-monde. Donc c'est demi-monde contre demi-monde, c'est comme ça que ça marche. Au nord, les grandes maisons, les routes goudronnées, les monuments, les parlements, autant de plumes sur la roue de ce paon dont la bouche, l'estomac, le cœur et la tête survivent tant bien que mal au sud. Mais surtout, ne cédons pas au misérabilisme. Le problème de la sphère ne se réduit pas à des considérations sociales, politiques ou économiques, même si elles ont leur importance, car comme dirait le philosophe, les pauvres sont des connards, comme les autres. L'hémisphère sud est tout entier rempli de gens méchants, stupides, avares, avides, et il n'y a pas de choix à faire entre les cons d'en haut et ceux d'en bas. L'apocalypse ne fera pas la différence, et l'amour ne la fait pas non plus. Alors à quoi ça sert d'avoir deux hémisphères? Pourquoi on se prend la tête? Ou alors faudrait aller jusqu'au bout et couper vraiment la Terre en deux, la trancher en son centre, et laisser voguer chaque hémisphère, comme ça, au hasard, de nouveaux astres. Mais je suis bien sûr que là encore, les demi-mondes deviendraient des quarts, des huitièmes, des seizièmes mondes, et on n'aurait jamais fini de déchiqueter notre sphère originelle, éternellement peuplée de cons et de méchants. Du coup, toutes ces réflexions m'ont fait un peu mieux comprendre les platistes. Parce que c'est vrai qu'il y a les partisans de la Terre plate, hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu angoissant dans toute cette matière, là, dans la masse de cette sphère. Est-ce que le problème ne viendrait pas du fait que, d'où qu'on parte, si on marche tout droit sur Terre, tôt ou tard, on tombera sur quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas forcément envie de connaître. Le problème de la Terre, c'est qu'elle est ronde et qu'on n'y trouve donc pas de place pour l'intimité. Le problème, c'est qu'on n'a pas de bout du monde. Plutôt si, en fait. Il y en a beaucoup des bouts du monde, il y en a des milliards des bouts du monde. Le bout du monde, c'est toujours quelqu'un d'autre. Il y avait une question que je me posais quand j'étais enfant, c'était si je creuse tout droit dans le sol, tout droit, tout au fond, je vais ressortir dans un pays, quel pays est-ce que ce sera? Et qui est-ce que je vais voir en premier? Alors j'ai toujours pas de réponse à cette question, mais maintenant j'ai une certitude, je sais que si je le fais, je ressortirai dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, c'est mon bout du monde à moi. Et même si on y trouvera toute la mocheté humaine, on y verra aussi le cœur battant du paon dont je ne suis qu'une ocelle parmi les millions d'autres. Dans le premier visage que je verrai quand j'aurai fini de creuser mon trou, il y aura l'altérité suprême, et il y aura de la fraternité, et il y aura de l'amour, parce que moi aussi, je suis un connard comme les autres. Alors pourquoi avoir divisé notre sphère en deux? Je crois pas que ce soit pour les mettre en opposition, je crois pas non plus que ce soit pour que les uns dominent les autres. Je crois que c'est pour pallier à l'angoisse d'un monde circulaire qui n'a pas de fin. C'est pour que subsiste l'idée du bout du monde, que tous les connards et leurs jumeaux, avec un peu d'humilité, survivent à la parade de la raison humaine. Alors souriez, chers auditeurs, applaudissez la bonne nouvelle, le bout du monde existe et il n'attend que vous. Ce soir, Glovok, au bout du monde, en direct de Kampala. Et voilà, en direct de l'Ouganda ce soir avec 10130. Oui, justement, je trouve que c'est merveilleux ce que tu viens de dire, c'est absolument très très beau, évidemment. Par contre, il y a un site internet qui te permettra de résoudre ton problème de creuser la Terre en deux. C'est vrai ? Ouais, et si tu la creuses, il y a pas mal de chances pour que tu tombes dans l'océan, en vrai. Oui, mais évidemment, ouais, d'accord, mais je parle d'un truc politique et tout, et là, ouais, je me ramène à la réalité des choses, tu vas te noyer. Mais il y a aussi des possibilités de creuser, de tomber sur un pays, ça pourrait être intéressant de le faire. Mais il y a vraiment un site, du coup, qui permet de faire... Tu sais comment ça s'appelle ou pas? On va trouver. Alors, attention, voilà. Direct... Trouver l'autre côté du monde. Ah bah ouais, tu tombes dans l'océan juste à côté de la Nouvelle-Zélande. D'accord, alors du coup, petite coupure, on vient d'avoir la réponse. Oui, sur le site antipodre.com, tu peux taper une adresse et tu te retrouves de l'autre côté littéralement du monde. Bah, il se trouve que là, comme je l'ai dit, on se retrouve dans l'océan, dans la mer de Tasmanie, juste à côté de la Nouvelle-Zélande. Mais on est quand même dans l'hémisphère sud. On est quand même dans l'hémisphère sud. Donc notre bout du monde sera peut-être un poisson des fonds marins, tu sais, qui sera là et qui nous découvrira. Absolument. Il faudra aller fouiller quelque part le Glovok aquatique et trouver le Glovok du bout du monde. Bon, du coup, on est en Ouganda, avec 10130, on est arrivé là avant-hier. Quelles sont tes premières impressions à toi de Kampala? Qu'est-ce que tu penses de ce pays jusque-là, 10130? Bah, franchement, moi je suis assez content d'être de retour sur ma terre d'origine, oui, alors, l'Afrique, voilà. Là, évidemment. Le coming out a été fait maintenant, ça y est. Ouais, mais non, mais on peut le dire. Et là, je sais pas, il y a ce côté africain qui est sur tous les... Moi je peux le dire que l'Afrique est un pays. Oui, d'accord. Je peux te permettre. Et dans ce grand pays, justement, tu tombes toujours sur ce syncrétisme des peuples d'en bas, justement, dont tu parles, où on a de beaux immeubles, à côté desquels il y a des gens qui crèvent la dalle. Mais surtout, ce que j'ai trouvé fascinant en Ouganda, c'est le fait qu'ils ont une biodiversité absolument merveilleuse. Je pense qu'il faudrait que tout le monde aille en Ouganda avant d'aller au Kenya, déjà. Ouais. Et voir toutes les espèces de papillons qui existent en Ouganda. Oui, je suis assez content d'en voir. Tu vas nous en parler des papillons Ouais, je vais les évoquer, ouais, mais effectivement, il paraît qu'il existe 8% des espèces de papillons dans le monde se retrouvent en Ouganda. Ils sont pas tous là, hein, mais les espèces répertoriées, on peut les trouver là. C'est D'accord. ça le truc. Donc c'est plutôt assez, assez correct pour un si petit pays. Oui, oh, il n'est pas si petit que ça. Alors, on va voir ça tout de suite, du coup, parce que donc, vous connaissez maintenant comment ça marche, Glovok. On va commencer avec quelques faits rapides sur l'Ouganda, pour en savoir un tout petit peu plus, quand même. Donc, peut-être déjà que tout le monde ne sait pas où est l'Ouganda. Donc, comme le disait 1130, c'est à côté du Kenya. C'est entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Et si vous savez où se trouve le lac Victoria, qui est le lac le plus grand de toute l'Afrique, hein, si je ne m'abuse, ouais. L'Ouganda est juste au nord du lac Victoria. Je pense que c'est l'un des lacs les plus importants du monde, en fait. Alors, je crois que c'est le 3 ou 4e, un des plus grands du monde. Il est clairement dans le top 10, en tout cas. Donc, l'Ouganda, c'est aussi une république dont le président s'appelle Yoweri Museveni. Donc, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir, depuis 1986. On le salue, hein, au passage, ouais, bien sûr. Mais j'aime beaucoup son nom. Museveni, ouais. Museveni. Yoweri, c'est Yoweri que tu préfères? Non, c'est Museveni, tu vois. Ah, c'est Museveni? Ouais, Museveni. Museveni. Il y a un côté italien. Museveni. Donc, l'Ouganda est un état-nation. De Mussolini. Oui, ça lui va bien. L'Ouganda est un état-nation indépendant depuis 1962, donc son histoire remonte évidemment à beaucoup plus loin. On peut notamment citer l'empire du Kitara, qui couvrait une grande partie de l'Afrique des Grands Lacs au 14e et 15e siècle. Et à partir du 19e, il s'est constitué un empire qui s'appelait le Buganda. Le Buganda, c'est ça, le royaume du Buganda. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à rencontrer les Arabes, qui sont toujours dans les bons coups, et les Anglais, qui sont arrivés un petit peu après. Ils sont arrivés au milieu du 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, ils ont décidé de coloniser, parce que voilà, c'était les Anglais. Le pays couvre une surface d'environ 250 000 km², donc c'est pas un petit pays, hein. Enfin, c'est pas immense, mais c'est pas un tout comparaison, petit pays. En comparaison, tu as un pays en tête Alors non, pour le coup, j'ai pas fait de comparaison, désolé, tu me... Alors c'est à peu près la moitié de la France, je crois, ouais. pour avoir un ordre d'idée, c'est à peu près la moitié. Et il y a 40 millions d'habitants en Ouganda. Donc les habitants, donc, qui parlent pour la plupart d'entre eux des langues d'origine bantoue. Il y a énormément de langues différentes en Ouganda. Il y en a 25 qui sont parlées par beaucoup de personnes de la population. Mais les langues officielles, ce sont quand même l'anglais et le swahili. Alors le swahili, j'ai l'impression que c'est un espèce de mix arabe bizarre, en fait, non ? C'est pas dans ce podcast qu'on va apprendre ce qu'est le swahili. Quand on ira au Kenya, on va l'apprendre. Mais ouais, c'est quand même une langue extrêmement importante de l'Afrique de l'Est, le swahili. C'est une langue qui est parlée en Tanzanie, au Kenya, dans toute cette région. Je crois que c'est parlé aussi en Éthiopie, ouais. Parce qu'en lisant je lisais tout à l'heure un petit peu l'histoire de l'Ouganda, là, et il parlait des Arabes, des marchands arabes swahili qui venaient en Ouganda, en Afrique de l'Est, en fait. Mais l'Afrique de l'Est est absolument fascinant. On va arriver sur les Juifs d'Éthiopie. Oui, les Juifs d'Éthiopie. Ça va être un vrai truc. C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont là? Les Juifs d'Éthiopie qui vont en Jamaïque. Et ça fait le Rastafari et tout. Mais plus que les chrétiens, tous les chrétiens, les premiers chrétiens sont quand même l'Éthiopie. Je ne sais pas si tu as suivi, mais l'Éthiopie a été christianisée. On parle pas d'Éthiopie aujourd'hui, mais puisqu'on est lancé, l'Éthiopie a été christianisée avant les pays européens. Ouais. Ah oui, il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est écrit dans mon livre. oui, mais du coup, d'ailleurs, la religion, ça a été un gros truc pour les Anglais qui se sont appuyés sur les luttes de religion pour pouvoir coloniser le pays. Du coup, il y avait l'islam, il y avait les protestants, il y avait les catholiques. Ces gens-là se sont fait la guerre autour de la fin du 10e siècle. Et du coup, les Anglais, comme les protestants ont gagné, sont venus se mettre tranquillement et ils ont mis le pays sous protecteur. Mais c'est étonnant, tu parles des religions sans parler de l'animisme. Qu'est-ce qu'il en est? Effectivement, alors, je sais pas. J'ai pas vu. Tu t'es beaucoup renseigné. Mais de ce que j'ai vu, voilà, dans l'histoire, les trois religions monothéistes, d'ailleurs, c'est pas du tout trois religions monothéistes. Bref, ils se sont pété la gueule et c'est là-dessus que se sont appuyés les Anglais. Après, les animistes, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils étaient dans l'histoire. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de faire la guerre, ce qui était finalement la meilleure chose à faire, peut-être. Oh, bon. Bah, de toute façon, les animistes. En fait, c'est juste un peu dommage parce que pour le coup, dans tous les pays du monde, il y a toutes les religions, mais l'Afrique a quand même cette particularité d'avoir une population d'animistes assez importante. Oui. Et les animistes, c'est un vrai truc. Leur vision du monde n'est pas différente de la. Enfin, n'est pas jugée moins importante que celle des religions abrahamiques qui ont réussi à quand même à s'imposer. Donc je pense que si on ne le fait pas sur l'Ouganda, on finira quand même par parler des esprits animistes à un moment ou à un autre. De toute façon, l'Afrique est énorme. Ah, bien sûr. Bon, eh ben, on va passer à la partie suivante. On va parler de l'hymne national d'Ouganda. Alors, petite précision. Donc ça s'appelle Ouganda Land of Beauty. Et alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver une version orchestrale de l'hymne. C'était soit purement instrumental et sans voix, soit juste des voix et c'était pas de très bonne qualité. Du coup je voulais choisir une version, la version qu'on trouve la plus souvent sur internet, puisque moi ma seule source c'est internet, YouTube. C'est une version qui est chantée par une chanteuse très célèbre qui s'appelle Juliana Kanyomozi. On écoute ça tout de suite. Donc, encore une fois, on est un peu sur... L'Ouganda Gospel. Quoi. Exactement, l'Ouganda Gospel. On est en plein dedans, quoi. Donc, je vous disais, ça s'appelle « Oh, Ouganda, Land of Beauty ». Alors, je vous lis les paroles. Des paroles, encore une fois, ils se sont pas non plus foulés de ouf, mais ça s'explique. Enfin, on comprend que pour un hymne national, il faut pas non plus chercher trop loin. Alors, ça dit « Ouganda, oh, Ouganda, que Dieu te soutienne. Nous mettons notre avenir dans ta main. » Dieu arrive au deuxième vers, hein, quand même. Nous mettons notre avenir dans ta main, unis, libres pour la liberté. Ensemble, nous serons toujours debout. Ô Ouganda, le pays de la liberté, avec notre amour, notre travail et avec tous les voisins, à l'appel de notre pays, nous vivrons en paix et en amitié. Ô Ouganda, la terre qui nous nourrit, par le soleil et le sol fertile, pour notre précieuse terre, nous serons toujours debout, la perle de la couronne d'Afrique. Là, je viens de vous citer l'intégralité des paroles de... Ils sont très sympas en fait, ils ont inclus leurs voisins. C'est et complètement tout, sympa, voilà, pour le coup c'est la paix, de liberté, on va tous vivre prospères, en amitié, et voilà quoi. Tout ira bien. Pas se prendre la tête du tout, quoi. C'est très bien. Ah, Idi Amin Dada n'est pas allé là pour rien. Donc, petit historique, donc cette hymne a été adoptée pour l'indépendance en 62. En 62, quand il y a eu l'indépendance de l'Ouganda, ils ont fait une espèce de petit concours, un peu comme ce dont tu parlais pour le Groenland la dernière fois, pour savoir quel hymne on allait choisir, proposer des hymnes. Et donc, c'est un certain Georges Kakoma qui a composé l'hymne et qui a gagné, du coup. Alors, il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes avec cet hymne. Déjà, c'est l'un des hymnes les plus courts du monde. Donc il dure à peu près une minute à être chanté. Il est très très court. Les paroles, ça se lit vite quand même. Ils n'ont pas d'autres couplets. Souvent, ils sont un peu en galère quand c'est dans les matchs de foot ou des représentations officielles. Ils sont obligés de jouer le truc deux fois. ça m'a fait rire du coup. Et deuxième truc, cet hymne, il a été traduit dans 25 langues. C'est très impressionnant d'aller voir la fiche Wikipédia du truc, parce que tu as toutes les langues dans lesquelles a été traduit l'hymne. Et voilà, j'ai trouvé ça super stylé. C'est les langues du monde ou c'est... Non, c'est les langues qui sont parlées en Ouganda, du coup. D'accord, très bien. Voilà, c'était tout pour l'hymne national. C'était assez rapide, mais toujours agréable, je pense. Bien sûr. Du coup, on va essayer d'enchaîner sur un autre symbole de l'Ouganda. Mm-hmm. Le drapeau. Bien sûr. C'est la rubrique vexillologie. Ta-da-da-da-da. Wow. Alors, du coup, le drapeau de l'Ouganda. Donc, comme tu en parlais tout à l'heure par rapport à l'indépendance, c'est en 62, c'est pareil, qu'elle a été adoptée, hein, le 9 octobre, quand l'Ouganda est devenu indépendant du Royaume-Uni. Donc, c'est un drapeau assez simple, qui se compose de 6 bandes horizontales égales, de noir, jaune, rouge, noir, jaune, rouge. Au milieu, il y a un disque blanc qui est superposé et qui représente le symbole national, une grue royale faisant face au côté du palan avec une patte légèrement élevé. C'est alors une grue, c'est... Ouais, une grue royale, du coup, c'est une sorte de pélican, en fait, non? C'est une grue. Tu vois bien, les grues? Bah non, je vois pas une grue. Oui, c'est une sorte de pélican. C'est pas un pélican. Non, ce que je veux dire, c'est dans la forme, effectivement, ça fait penser au pélican. Mais la grue, c'est ce qu'on appelle crane en anglais, et que les Japonais aiment beaucoup. D'accord, j'étais pas au courant. Tu connais pas la grue, l'oiseau, la grue? Si, non, mais je vois la grue, quoi, mais bon. Attends, tu fais jamais d'origami? Bah non, les Japonais font des origami de grue. Mais tout le monde fait des origami de grue, c'est l'origami le plus simple à faire. Ah putain, je découvre. C'est un oiseau qui est connu pour l'origami, en fait. Glovok, trop de découvertes, quoi, trop d'informations essentielles pour vivre. J'ai un diplôme en origami. Du coup, c'est une grue qui a été, c'est un drapeau, pardon, qui a été conçu par la ministre ougandaise de la justice de l'époque, Grace Ibingira. Donc, les trois couleurs sont représentatives des peuples africains. Hein. Ils sont vraiment très très sympas. Donc, c'est noir parce que nous sommes noirs et nous sommes africains. C'est jaune parce que c'est le soleil de l'Afrique. D'accord. Et c'est rouge parce que c'est la fraternité africaine. Ah, c'est donc la fraternité, le rouge. C'est la couleur du sang à travers laquelle tous les Africains sont connectés. D'accord. Tu vois, qui sont vraiment super sympas. Et la grue royale, elle est légendaire pour sa nature hyper douce. Et c'est l'insigne militaire, surtout des soldats ougandais pendant la domination britannique. Donc la jambe de la grue est levée pour symboliser le fait que ce ne soit pas un pays statique, mais qu'un pays qui va de l'avant. D'accord. Une politique qui va vite. La politique de la grue, non? Ça te dit pas quelque chose? Une politique qui va vite. Une politique qui... Non, Kaamelott... Non, tu penses plutôt à la grue pour construire des logements sociaux. Non, je pensais trop politique. Je pensais à, comment il s'appelle, le gras et la vie, merde, Caradoc. Ah, oui. Caradoc, qui est dans Kaamelott et qui dit, j'ai vu une autruche maintenant et je comprends pourquoi on a ce que c'est une politique de l'autruche. Une politique qui va vite, une politique qui fait de gros œufs. Voilà, c'est exactement ça. L'Ouganda fait de la politique qui va vite et qui fait de très gros œufs. Alors, la rubrique qui suit, c'est une rubrique que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Je vous l'ai dit, je passe beaucoup de temps sur Internet, et il y a en particulier une plateforme sur laquelle je vais beaucoup, c'est YouTube. Et j'ai un péché mignon, c'est d'aller voir l'onglet tendance de YouTube. Alors, je sais que les gens trouvent ça dégueulasse. Je suis un enfant du siècle. T'es un millénial. Mais c'est vrai que l'onglet tendance de YouTube France est quand même assez dégueulasse. Là aujourd'hui, je crois que c'était Ibra TV, il y avait du Squeezie, il y a du Bref aussi là en ce moment qui est en train de remonter, c'est rigolo. Bon, et du coup. Qu'est-ce que tout ça donne dans 20 ans, dans les archives? Oui, on attend de voir avec impatience. Du coup, j'ai un autre truc que j'aime bien faire, c'est d'aller dans l'onglet tendance et de changer la zone géographique des tendances. Et c'est toujours, c'est souvent très intéressant au niveau politique, au niveau spirituel, au niveau ethnologique des différents pays, parce qu'on voit vraiment ce que les gens regardent. Donc la plupart du temps, c'est un YouTube game un petit peu dégueulasse, où c'est tous les mêmes trucs que les Américains, tout ça, les top 10, et des choses comme ça. Mais parfois, le YouTube game, l'industrie de YouTube n'a pas encore atteint certains pays, et c'est le cas de l'Ouganda. Du coup, en Ouganda, je suis allé voir les tendances YouTube qui se trouvent aujourd'hui, donc on est le 14 octobre, c'est ça? Donc aujourd'hui, 14 octobre, on va voir quelles sont les 10 vidéos qui sont en tendance sur le YouTube ougandais. Et du coup, une fois n'est pas coutume, je vais faire un top 10, moi aussi, puisque on est quand même, c'est les millénials, c'est la génération Z, voilà. Tu parles de YouTube, il faut que tu fasses un top. Ah, voilà, il faut que je fasse un top 10, c'est méta. Du coup, on va commencer tout de suite avec la 10e vidéo. On va faire de 10 à 1, hein, parce que voilà, quand même, il faut respecter les codes. La 10e vidéo, alors une vidéo que j'aime beaucoup, on commence déjà avec une que j'aime beaucoup, c'est une vidéo de 6h30, qui est la... déjà une vidéo de 6h30 dans les tendances, moi je trouve que c'est classe. Et c'est pas n'importe quoi, c'est la cérémonie pour les 55 ans de l'indépendance de l'Ouganda. Ah, voilà, ça explique. Ça se justifie. Donc j'avoue que je l'ai pas regardé en entier. Oh, ah, bah. voilà, on va pas non plus, on va pas non plus abuser. C'est quand même une nuit de sommeil. Mais du coup, voilà, c'est les 55 ans de l'indépendance de l'Ouganda. C'est sur la chaîne NTV Ouganda et ça a eu 41 000 vues. Oh, c'est plus que la chaîne d'Emmanuel Macron. Oui, et puis c'est plus que Glovoc. Hein. Respect quand même. Hein. En 9e position, nous avons les meilleurs moments du match Argentine-Équateur. Du match de foot. Donc voilà, les Ougandais regardent du foot et ils regardent en particulier du foot d'Amérique du Sud. Très bien. Chose intéressante. En top 8, c'est la nouvelle chanson de Major Lazer, Particula. Major Lazer, qui a eu ses heures de gloire en France en 2011-2012, je pense, un truc comme ça. Un peu de plus 2012-2013, je pense. Ouais, c'était Get Free, qui était une chanson bien. Et puis il y avait Boumaillé. Ouais. Et maintenant, on n'entend plus du tout parler de ça, en fait. Non, parce Lazer. Que c'était quand même un peu... Oh, moi j'aimais bien, moi, Major Lazer à l'époque. Parce que tu étais... On se mettait bien à l'époque, ouais, du 830 sur Major Lazer, à vous, quoi. Vous m'avez... Ah, si, on n'assume pas. Ah si, c'était marrant quand même. Bon, c'était toute une époque, quoi. C'est très bien. Oui, aussi. Les années 2012. Les années 2012, ça remonte tellement. Hein. Voilà, donc top 8, Major Lazer Particula, une chanson que je vous recommande de ne pas écouter. Top 7, c'est un trailer. Star Wars épisode 8. Raté, ce n'est pas Star Wars épisode 8. Non, Star Wars épisode 8 est dans les tendances, mais il n'est pas dans le top 10. Non, c'est un film de Bollywood, 10130. Qui s'appelle, que je le retrouve, Padmavati. Il s'appelle Padmavati. C'est une grosse production, j'ai l'impression. Je vous invite à aller le voir pour le coup, parce que ça a l'air c'est très très beau. Le film a l'air très très beau. Et cette vidéo a plus de 30 millions de vues quand même. Ça mais commence à peser un petit peu dans le game. Franchement, le Bollywood en Afrique, c'est quelque chose. Ben oui. Et alors du coup, voilà, en Ouganda en particulier, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que pour construire les chemins de fer en Ouganda, les Britanniques, ils ont décidé de faire venir des ouvriers indiens. Et quand les travaux ont été terminés, les Britanniques ont dit « Vous pouvez rentrer chez vous, les Indiens, c'est bon, vous avez terminé. » Et finalement, il y a une certaine partie de ces ouvriers-là qui ont décidé de rester en Ouganda. Et de devenir tailleurs, comme dans le film qu'on va voir tout à l'heure. Mais du coup, ça explique qu'il y a une grosse minorité indienne en Ouganda. Mais dans toute l'Afrique de l'Est, hein, globalement, il y a quand même pas mal d'Indiens, de gens d'origine indienne, des gens proches. Mais oui, mais en fait, c'est... De Tanzanie, de Kenya, des choses comme ça. C'est assez fascinant. Ouais. L'Empire britannique est assez fascinant pour ça. D'ailleurs, par rapport à l'Empire français, c'est qu'ils ont mélangé les gens assez vite, en fait. Donc, tu trouves des Libanais. Oui, pour eux, si c'est pas des Blancs, c'est à peu près tout la même chose. Donc, on peut mélanger, faire travailler les uns chez les autres. Démerdez-vous. Ouais. Mais du coup, c'est... Enfin... Bon, moi, c'est toujours un truc qui me fascine un petit peu, en fait, cette solidarité, ou plutôt cette espèce de proximité qu'il peut y avoir entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et les Indiens. Je trouve qu'il y a un espèce d'axe qui se fait là-dedans, culturel. Le pays du Sud. De quoi ? Ouais, mais c'est l'axe des pauvres. Ouais, c'est l'axe des pauvres, mais il y a un truc culturel, c'est quoi. C'est l'Europe globale des pauvres, si tu veux. En particulier, quand même, entre l'Amérique du Sud et les Africains, je trouve. Alors du coup, Afrique de l'Est, peut-être que c'est plus côté indien, mais, ça, je n'arrive pas à m'en rendre compte. Ouais, l'Afrique de l'Est est plutôt liée au côté indien, notamment avec les Arabes aussi, qui sont passés par là. Donc il y a toute cette histoire de musulmanie qui les rattache. Et... En fait, moi, ce que je trouve assez fascinant dans ce genre de choses, c'est qu'on a souvent le sentiment que les immigrés, c'est des gens qui sont en Europe, alors que pas tant, en fait. Tout le monde est chez tout le monde depuis très longtemps. Oui. Ça fait longtemps qu'il faudrait commencer sincèrement à se dire, mais... On se ferme nos gueules ou on fait quoi ? Mais là, je commence à virer politique. Oui, attention, pas de politique, hein, surtout pas. C'est pas le genre d'émission. Hein. Pas du tout. Donc voilà, Padmavati, 20 millions de vues. Ça m'a donné envie de voir ce film, je tiens à le dire. J'ai vu le trailer et j'ai eu envie de le voir. Je ne verrai pas ça avec toi. Hein. Je te laisse faire tout seul. Je les connais, les Bollywoodiens. Voilà, top 6. C'est une vidéo qui s'appelle Babu Owino and Jaguar in Fist Fight at Parliament. Fist fight. Oui. est-ce que tu as vu ça récemment? C'était il y a quelques semaines, le combat qui a eu lieu dans le parlement ougandais. Bah bien sûr. Voilà, as vu ça. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le président, dont on a cité le nom tout à l'heure, Museveni, il a décidé de faire une réforme de la constitution. pour pouvoir se représenter au présidentiel de 2021, je crois. Parce que voilà, tout le monde, on est en Afrique. Il fait la politique de l'autruche. Voilà, une politique qui va vite. Il prend du temps pour faire ses œufs. Donc ça fait déjà 30 ans qu'il est là, il aimerait bien rester encore une petite dizaine d'années, mais tout le monde n'est pas d'accord. Donc, comme ça se passe pas très bien et qu'on n'a pas forcément une excellente liberté d'expression en Ouganda, les gens finissent par se battre dans le Parlement. Donc, voilà. Au premier degré. Au premier degré, les gens se tapent. La France insoumise, on marche. Rends l'argent. Ce serait tellement beau. On devrait régler les problèmes comme ça. Voilà, donc ça c'était top 6, une vidéo qui a 210 000 vues. On passe au top 5. Top 5, je vais pas trop en dire là-dessus, c'est une vidéo de Bobby Wine. On va y revenir un petit peu parce qu'il revient après. Mais gardez bien ce nom en tête, Bobby Wine, c'est un nom important. Ça t'a dit quelque chose, Bobby Wine, ou pas du tout? Bob Levin. Ouais, Bobby Wine, pas Bob Levin. Robert Levin. J'essaie des choses. Non, ça ne marche pas. Top 4, ce sont les meilleurs moments du match Brésil-Chili. Eh oui, évidemment, le match Brésil-Chili. On est déjà dans le top 4. C'est ce match que j'ai regardé avec pas du tout. Hein. Le match Brésil-Chili, donc où je vous rappelle quand même 3 pour le Brésil, 0 pour le Chili. Hein, ça, c'est pas ils très... reviennent après le 7-1 qu'ils se sont pris en 2014. Oui, non mais bon, ça, ouais. c'était un moment. Rappeler, hein. J'étais content. Donc voilà, cette vidéo qui est top 4, 2 millions de vues sur cette vidéo. Le top 3, c'est ma vidéo préférée de toutes. C'est celle dont je t'ai parlé hier, 10130. Donc en fait, c'est une vidéo qui dure 12 minutes. Et on voit deux enfants qui sont à côté d'un étang. Alors, c'est pas des enfants qui sont... Enfin, je sais pas s'ils habitent en Ouganda ou pas, mais en tout cas, ils ont pas des têtes d'Ougandais. Ils ont plus des têtes... C'est quoi, ça c'est quoi, ils sont pas noirs. Ils ne sont pas noirs. On avait dit qu'on était un podcast raciste, anti-raciste. Mais c'est pas raciste. Les Ougandais sont quand même majoritairement noirs, non? Ou c'est vraiment moi qui suis dans un autre monde? Les Indiens dont tu as parlé tout à l'heure? Non, les Indiens, pareil. Non, mais je sais pas. Justement, je me demande, ça pourrait être des Indiens qui sont en Ouganda, tu vois, ces enfants. Mais je ne sais pas. Voilà, tout ça pour dire que je ne sais Attention, pas, mais ils ne sont Afrique, pas noirs. C'est un sujet têti. Ces deux enfants ne sont pas noirs. Donc il y a une petite fille qui a à peu près une dizaine d'années et ce que je suppose être son frère qui a genre 7-8 ans. Et ils sont à côté d'un champ, à côté d'un étang. Mais s'ils ne sont pas noirs, est-ce qu'ils sont blancs? Non, ils ne sont pas blancs. Enfin... C'est discutable. Je ne sais pas. Si on prend la définition. Est-ce que tu as leur phénotype et leur génotype? Alors, moi, les phénotypes et les génotypes que je connais, c'est Henri de Lesquin uniquement. Donc, selon Henri de Lesquin, ils sont caucasoïdes. Voilà. Donc, on peut dire que ce sont des blancs. Dans la... On est en Afrique. Très bien, mais écoute, voilà. Ils sont caucasoïdes. Bon, voilà, comme ça. Ouais. Heureusement qu'on a passé du temps quand même sur cette question, je pense que c'était important. Bref, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc ces deux enfants, ils sont dans un champ et ils ont envie d'attraper un serpent, c'est leur objectif. Et donc ils vont construire, ils vont faire une boîte avec un espèce de tube qui va rentrer dans la boîte et ils vont recouvrir le tube de brindilles pour que le serpent rentre dedans sans se douter que c'est un piège. Et ils vont mettre une petite souris dans la boîte pour que le serpent ait un appât et qu'il vienne le chercher. Donc c'est une vidéo complètement hardcore. Tu vois la petite fille au début qui fait un petit bisou à la souris, elle trouve ça mignonne, tout ça, puis elle la fout dans la boîte. Et puis après, il y a un serpent qui va arriver, il y a deux serpents même qui vont arriver, qui vont se mettre dedans. La petite fille va attraper le serpent par la queue, va le faire tourner au-dessus de sa tête pour éviter qu'elle le morde, parce que apparemment c'est un serpent qui est assez dangereux. Elle le fait tourner comme ça au-dessus de sa tête, et elle le plaque au sol d'un coup pour que son petit frère vienne l'attraper par le cou avant de se faire mordre et de mourir. Et du coup, il rate plusieurs fois, donc la fille reprend le truc, refait tourner le serpent au-dessus d'elle et tout. Et puis après, ils vont jouer au Lego. Après, ils ont le serpent, ils sont contents. Et puis, ils te montrent la tête du serpent avec la queue de la souris qui dépasse encore de dedans. Si tu veux. Mais ils sont dans un autre monde, ces gens. Ce n'est pas possible. C'est merveilleux. Alors là, vraiment, c'est ma vidéo préférée. Et moi, je veux la voir. Franchement, je vous recommande à tous de la regarder, ne serait-ce que pour l'ambiance, en fait. Parce que c'est une ambiance posée. Il n'y a pas de musique, tu as l'ambiance, l'environnement de la nature, et puis tu as ces deux enfants qui sont en train de traîner des trucs, de rigoler entre eux, et c'est un bon moment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette vidéo. C'est très bien. Ça me rappelle personnellement quand j'étais en Afrique et qu'on se cuisinait des lézards, mais je pense que c'est pas le... Moi, ça me rappelle quand j'étais à l'école primaire et qu'il y avait une fille qui attrapait des lézards et qui les dépeçait et qui enlevait la peau et qui voulait me faire un manteau. Est-ce que tu étais amoureuse de moi? Je vois que nos enfants sont pas si loin de ces deux enfants, en fait, finalement. Elle m'avait fait un filtre d'amour aussi une fois. Elle voulait que je bouffe un truc. Je sais pas, elle avait foutu ça sur une marche d'entrée de l'école et elle m'avait dit: tiens, mange ça, tu vas être amoureux de moi. D'accord. Non, ça va. Tu sortais avec Mélisandre de Game of Thrones, une grande sorcière. Elle était tarée. Bon, une dernière chose, cette vidéo, un truc que j'ai trouvé rigolo, c'est que la miniature est fake complètement. On voit les deux enfants dans cet environnement-là, mais on voit la fille allongée par terre, entourée d'un espèce d'énorme boa constrictor, et le gamin qui veut la taper dessus. Ça n'arrive à aucun moment dans la vidéo, mais juste, ils ont fait la vignette, la miniature, si tu veux, donc ils ont quand même un peu conscience du YouTube game, tu vois, ils savent un peu comment ça se passe. C'est une vidéo ougandaise ou... Alors, c'est une chaîne ougandaise. D'accord. Par contre, la vidéo... Je saurais pas dire, parce que je comprends pas. Okay. Donc c'est des caucasoïdes random quelque part sur Terre, des enfants chassent des serpents. C'est ça. C'est bon à savoir. C'était le top 3 des tendances ougandaises. Top 2, on va revenir donc à ce garçon qui s'appelle Robert Vin, dont on a parlé tout à l'heure. Donc la vidéo s'appelle MP Bobby Wine meets Bébé Cool at Dansku Mapisa Sendoff. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Tu vas pas rire longtemps, 10130, parce que, attention, il se passe quelque chose. Alors en fait, c'est donc Bobby Wine, qui est un chanteur de Raga Dancehall, donc normal, et Bébé Cool, donc, qui est un autre chanteur de Raga Dancehall, qui sont tous les deux à l'enterrement d'un producteur ougandais de Raga Dancehall, qui s'appelle Dansku Mapisa. Voilà, donc ça déjà, j'espère que ça te fait un peu fermer ta gueule, parce que c'est pas rigolo. Un homme est mort. 10130. Vraiment ? Mais oui, c'est vraiment, ils sont à l'enterrement d'un mec et ils prennent la parole, ils se rencontrent. Alors, je sais pas s'ils se rencontrent. Et c'est l'enterrement qui est en deuxième en tendance. Oui, c'est l'enterrement qui est en deuxième en tendance. En Ouganda. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais génial. Donc, vous vous souvenez. J'ai hâte. Non, mais attends, c'est plus intéressant que ce que tu ne crois. Pourquoi l'enterrement est en tendance et pas Squeezie ? Je veux savoir. Mais c'est ça, quand même, c'est pas la même chose quoi, quand on passe de France à. Bon, alors du coup. Pour ça, pourquoi c'est en tendance, il faut se pencher sur Bobby Wine. Donc Bobby Wine, c'est un chanteur de raga, mais à vrai dire, c'est plutôt un ancien chanteur de raga. Donc c'est un type qui a vécu qui a grandi dans la banlieue de Kampala et qui était assez engagé au niveau politique. Il parlait souvent de la misère des gens et des Ougandais. Et il s'est autoproclamé le président du ghetto. Mais ils s'autoproclament pas mal. Est-ce qu'ils ont des brevets, c'est des titres, comment ça marche? Ils ont signé des papiers, président du ghetto. C'est voilà, assez stylé, président du ghetto. Et donc ce garçon, voilà, le président du ghetto, il s'est passé un truc dans sa vie en juin 2017, il est devenu député. Ah, et voilà. Ah, président du ghetto a pris l'Assemblée. Exactement, il est devenu député à l'Assemblée nationale d'Ouganda. Et il se trouve que, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment où en Ouganda c'est un peu le bordel, il y a changement de constitution, et du coup ce garçon Bobby Wine fait partie de l'opposition contre le président en place, qui veut changer la constitution. Alors du coup, il faut quand même se rendre compte qu'un chanteur engagé en Ouganda, c'est pas exactement la même chose qu'un chanteur engagé en France. Quoi, tu veux dire qu'il a pas de weed ? Non, ce que je veux dire, c'est que lui, quand on est un chanteur engagé en Ouganda, on reçoit des grenades chez soi. Ah. Donc c'est lui ce qui lui est arrivé, par exemple. Oui, à trois reprises, il y a des gens qui ont lancé des grenades chez lui. Donc voilà, par exemple, c'est... Je suis métisse, un mélange de couleurs. Bon, donc ça c'est Bobby Wine. Alors, si vous tapez Bobby Wine dans Google, vous allez trouver des articles sur lui, notamment des articles français, parce que la presse internationale parle pas mal de lui, parce qu'il est extrêmement populaire, en fait, pas seulement à Kampala, mais un peu partout en Ouganda, et il est maintenant député, il s'exprime beaucoup, et... Il serait apparemment pressenti, il aurait des ambitions présidentielles, ce garçon. Voilà, j'ai bien dit ambition. Hein. Président du ghetto à l'Ouganda. À l'Ouganda. Ouais, non, mais ça se tente, hein, mais franchement. Mais moi, je lui souhaite. Franchement, je lui souhaite. Il va merder comme tout le monde, mais je lui souhaite quand même. Voilà, c'était mon top 2. Donc, cette vidéo, elle a 34 000 vues. Voilà. C'était le top 2. Alors, pour le top 1, le top 1 des tendances en Ouganda. The internet of the YouTube of Uganda is... Ah bah, juste, alors, non. En fait, je pensais te demander qu'est-ce que tu pensais que ça pourrait être. Qu'est-ce qui a fait le buzz cette semaine qui pourrait se retrouver en top tendance de l'Ouganda? Mais moi, j'ai pas internet depuis quelques temps, donc du coup, je me rends pas trop compte. Je suis sûr que t'en as forcément entendu parler de ce truc. Donald Trump. Alors, Donald Trump, quoi de plus? Déjà, Donald il Trump. Il est ougandais, le mec qui a en tué fait, des Donald gens à Trump, Las depuis Vegas. Le début. Non, c'est un truc qui s'est passé, une vidéo à propos de Donald Trump cette semaine. Ah, Harvey Weinstein. Non, Eminem. Quoi, Eminem? J'ai pas vu. T'as pas suivi ça? Ah non, non. Eminem a fait un freestyle pour insulter Donald Trump, en fait. Ah, alors, c'est oui, dommage. Il doit être dans le hood avec ses frères blacks. Exactement, allez, c'est exactement ça. Il est dans le hood et il est devant et il y a tous ses frères blacks qui sont derrière lui en train de l'écouter religieusement, comme ça, comme s'il disait un truc génial. Alors que Eminem est juste en train de dire ouais, Donald Trump, t'es trop raciste. Drop the mic. Tu vois, le mec est. Et les Ougandais sont fans. Et du coup, moi, j'ai envie de lancer un débat. Eminem surcoté ou pas surcoté? Eminem sur... Non, en fait, il n'est pas surcoté. Il est coté. Ouais, il est coté. Moi, je le trouve vraiment surcoté. Il n'est pas sous-coté. Enfin, je vois ce que tu veux dire par surcoté. Il est extrêmement surcoté sur un certain nombre d'aspects. Mais en fait, il a le mérite d'être le seul blanc du game, en fait. Ouais, mais d'accord, mais c'est son seul mérite, quoi, depuis le début, finalement. Mais oui, en fait... Enfin, non, c'est pas son... Du coup, en fait, c'est pas... Si tu veux, sa cote, c'est la cote de tous les blancs qui pourraient faire du rap, si tu veux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ben ouais. C'est que... Bon, il avait un peu de talent, et comme il était blanc, ça a marché. C'est ça, il est... En fait, il est... C'est comme un noir avocat, tu vois. Ouais. C'est un peu surprenant. On s'attend pas de lui qu'il fasse ça, alors du coup, quand il le fait, bah, on est tellement surpris qu'on n'arrive pas à dire non. Bah, voilà, c'est comme Obama et extrême. Il a la même surcote qu'Obama, si tu veux. Ouais, c'est-à-dire qu'il prend tout ce que les autres n'ont pas et puis il porte ça. Et puis, bah, félicitations, bravo pour lui. Effectivement, s'il y avait plus de blancs qui arrivaient à rapper correctement. Et je ne parle pas de Big Flo Oli. Hein. Qui sont probablement dans les tendances France aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Ils sont tous les jours dans les tendances. Il serait, ouais, il serait à sa juste place. Mais vu qu'il est seul dans le game, il ne prend la place d'aucun rappeur noir, en fait, si tu veux. Donc il est surcoté par rapport à sa propre catégorie de gens qui insultent Trump avec des hoods de noirs derrière. C'est comme Orelsan, si tu veux. Ouais, il va sortir un nouvel album, Orelsan. Ouais, mais c'est très bien ce qu'il fait, Orelsan, voilà. Bon, voilà, c'était le top 1 des tendances ougandaises aujourd'hui, avec 29 millions de vues, cette vidéo, quand même. Félicitations, Eminem. Bon, pour terminer, l'Ouganda. En vrac, quelques autres trucs que j'ai vus, mais que j'ai pas retenu pour les tendances. Quelques vidéos de catch, notamment The Shield, qui s'est reformé, 10130. The Shield, c'est trois mecs extrêmement bourrins qui ont défoncé un mec dans une partie de catch et qui ont cassé une table avec son corps. Personnellement, je ne suis pas un très grand amateur de sport violent. Je suis plutôt dans la violence intellectuelle et verbale, vois-tu. Alors, il y a une vidéo qui m'a fait beaucoup rire aussi, qui s'appelle qui s'appelle Africa's Best Military Parade, You Must Watch. Donc, c'est une parade militaire de 10 minutes. Elle est 11e des tendances, elle a failli rentrer dans mon top, mais non, elle n'était pas là. Mais quand même, le prix du jury pour cette vidéo. Bon, voilà, aussi un peu de musique ougandaise. Voilà. Ah oui, et puis j'ai trouvé un YouTuber aussi qui s'appelle Marc Angel Comedy. La vidéo s'appelle Professeur, c'est une vidéo de 2 minutes et c'est l'histoire d'un docteur genre 10130 qui est en voiture, qui passe devant une famille et qui leur parle de Dieu. Et il leur demande s'ils peuvent voir Dieu. Il leur répond non. Est-ce que vous pouvez toucher Dieu? Non. Du coup, il leur dit Dieu n'existe pas. Eux, ils sont pas contents. Et il y a une petite fille qui va l'interpeller et qui va lui dire mais pourquoi tu dis ça? Le gars dit j'utilise mes sens. Est-ce que tu peux toucher tes sens? Non. Est-ce que tu peux voir tes sens? Non. Donc tes sens n'existent pas. Casse-toi. Oh là là. Et voilà, et c'est assez court, mais c'est, tu vois, ça marche pas mal. Ouais, tu vois. Non, mais c'est un peu dans la lignée de Glovok, généralement. Hein. Un peu, ouais. Rien n'existe. Rien n'existe. Parce que tout existe. Voilà. Voilà. Mention spéciale pour cette vidéo, un truc en particulier, c'est la seule vidéo qui avait une description en français que je vais vous citer en intégralité. Cette vidéo drôle est très hilarante, cela vous fera rire à haute voix. Voilà. J'ai ri. voilà. Et puis voilà, aussi quelques late shows américains, John Oliver, Trevor Noah, que je crois t'aimes bien. Ah ouais, mais j'aime bien les. Voilà. Enfin, attention, c'est le même truc qu'Eminem. Hein. Je vois les biais. Mais ça reste quand même assez fun de voir des gens se foutre de la gueule de Trump. Si c'est bien fait, c'est toujours plaisant. Voilà, tout ça. Surtout, Trump, c'est l'ennemi du monde quand même. Tout le monde déteste Trump. Mais oui. Mais c'est tout le monde le déteste tellement qu'on finit tous par l'adorer, hein, finalement. Mais non, mais parce qu'en fait, j'ai voulu faire ça à un moment, tu te rappelles, quand j'ai voulu aimer Trump dans mon relativisme absolu. Tu m'as rappelé un truc qui fait qu'on ne peut pas aimer Trump. Il est milliardaire. Ah oui, mais ça, oui, ça, il faut quand même garder ça en tête. Hein, c'est... Les gens le détestent parce qu'il est président, nous on le déteste parce qu'il est milliardaire. C'est son premier crime. Ouais, voilà. Bon, tout ça pour dire que je trouve que c'est un exercice intéressant d'aller voir les tendances d'un pays. Je trouve qu'on apprend pas mal de trucs, on a traversé pas mal de choses quand même à travers ce top 10 des tendances. Et c'est un exercice que je vais peut-être essayer de refaire à l'avenir si ça me paraît intéressant. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vais vous parler de la vie. Parce que s'il y a un truc qui m'a intéressé en Ouganda, particulièrement, c'est sa biodiversité. Donc, on compte quand même plus de 1000 espèces d'oiseaux en Ouganda, sachant qu'on en a découvert 10 000, c'est quand même 10% des oiseaux du monde, c'est pas rien. Environ 8% des espèces de papillons répertoriées dans le monde, plus de 330 espèces de mammifères, dont 22 espèces de primates. Cette biodiversité m'a inspiré à sortir mes vieilles recherches sur nos cousins pas germains. Donc aujourd'hui, leçon de tolérance et de soumission. Je vais parler de l'ordre premier, les primates. D'accord. Et là, boum, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, tu vois, je vais mettre la musique là. Pour, C'est quoi un primate, du coup? Alors, avant tout, petit rappel des principaux échelons taxinomiques, hein, qui permettent de classer taxinomiques qui permettent de classer les êtres vivants. Donc, il y a la vie. Ensuite, il y a l'empire. Il y a le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce qui est l'unité de base de la vie. Donc l'espèce humaine, l'espèce de rat, sachant que les loups par exemple et les chiens sont de la même espèce. Donc ça peut être un peu confusant. D'accord. Bref, les primates font partie de l'échelon central entre le règne et l'espèce. Donc c'est l'ordre. C'est évidemment un ordre un peu particulier puisque c'est l'ordre auquel appartiennent les êtres humains. Et en termes de classement, c'est le rang auquel les humains s'identifient le plus facilement quand ils pensent à leurs cousins animaux. Tous les rangs au-dessus, classe, embranchement ou même règne, généralement, on s'en fout un peu. Mais quand je dis saint, par exemple... Saint ? Ouais. Tu penses probablement plus aux photos leakées de Scarlett Johansson avant de te dire que c'est une glande cutanée sécrétrice de lait caractéristique de la classe des mammifères. Donc... Je pense pas aux mammifères quand je te parle des seins. Non, c'est vrai que je suis plus Scarlett Johansson. Ouais, on est d'accord. Donc, paradoxalement, personne n'utilise le mot mammifère comme insulte. Parce que justement, espèce de mammifère. Parce que ce n'est pas assez précis en fait. Parce que quand tu dis mammifère, tu dis quoi? Éléphant, musaraigne, Batman. Voilà. Espèce de musaraigne. Musaraigne, par contre, ça s'utilisait. Ouais, je prenais pas mal ces insultes, je suis assez utilisé. Donc, typiquement, les chauves-souris sont des mammifères. C'est même 40% des mammifères sur Terre, quand même. Pardon ? 40% des espèces de mammifères sur Terre, c'est des chauves-souris. D'accord. Mais, ouais. Bah, le fun fact que pourrait sortir. Bien sûr. Techniquement, donc, Joel Schumacher, tu vois, le mec qui a réalisé Batman et Robin, il avait pas tort de mettre des tétons sur la coque de Batman. Il faudrait qu'il en ait plein des tétons. Oui, il faudrait qu'il en ait plus. Il faudrait qu'il en ait rangé de 4 ou de 6. Batman avec plein de tétons, ça partout sur lui. Ça. Par contre, encore plus paradoxalement, animal, c'est quand même toujours régressif, si tu veux. Bon, on va parler de la vie, donc on va parler de tout ça. Mais on peut très bien te traiter de primate, parce que ça paraît à la fois suffisamment régressif et assez identifiable spontanément. Donc tu vois bien ce que sont les primates, toi. Je vois, oui, c'est des singes, quoi. Enfin, Bah justement, non. En général, on se dit que les primates, c'est les singes et les humains. Mmh. Et on oublie toujours les lémuriens et les loris. Ouais, je pensais à ça. Les persiens. Tout le monde s'en fout de ceux-là. Les suricates. Les suricates, ouais. C'est des primates ? Les suricates, c'est pas sûr que ce soit des primates. Voilà. Je pense encore des informations non vérifiées. Je pense que c'est des mammifères. J'y ai pensé, mais je pense que c'est des mammifères, mais c'est pas des primates. D'accord. Oui, c'est des C'est des mammifères, mais c'est pas forcément des primates. Bref, j'avais une side note. Attention, je vais la raconter. D'accord. Mais tu pourras la couper. Attention. Ok. C'est ma alors side sache note que si tu dis ça, ça veut dire que ça va rester dans le message final. Les gens vont t'entendre dire, tu vas la couper. En fait, je pense. En qualité de noir, que le mot nègre par exemple n'est pas assez mal est assez mal foutu comme insulte, si tu veux, parce qu'il vise en général à jouer sur le côté régressif quand il s'adresse à un noir. Donc on te traite de nègre pour t'insulter, alors que c'est pas vraiment différent du terme noir, black, que bla. En fait, en réalité, c'est les blancs qu'on devrait traiter de nègre pour les insulter. Ouais, bah justement pour leur rappeler qu'ils sont noirs. Pour pouvoir mettre en avance le fait qu'ils ne sont pas évolués. Mais c'est une side note particulièrement raciste. Mais non, pas spécialement, c'est une question linguistique que tu poses. Mais oui, non, mais je trouve ça un peu raciste. Mais non, on n'en est plus là. Hein, Très bien. Bah oui, mais du coup, comme par exemple, on peut traiter les Noirs de singes pour les ramener à leur côté backward, en fait. Donc, pour le futur, si tu as envie de traiter quelqu'un de nègre, traite un blanc. D'accord, ok, bah, j'y penserai. La prochaine fois que je m'entends mal avec un blanc, je le traiterai de sale nègre. Sale nègre, voilà. Bon, bref. Et toi, tu es tout fragile, du coup. Exactement. Les primates sont remarquables donc pour les groupes sociaux complexes qu'ils arrivent à former, leur incroyable dextérité et le fait qu'ils sont le groupe auquel les humains appartiennent, évidemment. Donc, la première chose à savoir sur les primates, c'est que le mot primate signifie premier rang, parce que c'est le rang des humains. Donc, on est au sommet de l'évolution, évidemment. Les primates sont le premier ordre. Donc, spoiler alert exclusive pour Star Wars 8, à ce moment, le suprême leader Snoke dans Star Wars. Ma théorie personnelle, c'est que c'est en fait un lémurien pas content. D'accord. oui, c'est cohérent. Un lémurien passé du côté obscur. Exactement. Donc, scientifiquement parlant, quand même, blague à part... on est à la tête de rien du tout, hein. Tu sais que les espèces font leur vie et personne ne domine particulièrement. En réalité, au mieux, l'espèce humaine peut être considérée comme l'espèce invasive la plus reloue de l'histoire de la vie, parce qu'il y a environ 450 espèces découvertes aujourd'hui de primates, et étonnamment, on continue de découvrir une demi-douzaine de primates chaque année. Ouais, donc, alors juste, je voulais juste revenir un tout petit peu sur... Tu dis que les êtres humains ne sont pas... sont pas au... Enfin, comment tu l'as formulé déjà exactement ? Ils sont pas au sommet de l'évolution du tout, hein. Bah, qu'est-ce que tu veux dire par sommet de l'évolution ? Bah, en général, en fait, les êtres humains se sont placés au sommet de l'évolution pour leur capacité à maîtriser les outils techniques. Ouais. En gros, on a inventé l'ascenseur, on est plus malin que les baleines. Oui, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, si tu veux. Si on est juste là, en train de faire notre truc, on va très certainement disparaître. Il va y avoir d'autres esprits, d'autres espèces qui vont... Non, mais ça, bien sûr. Oui, mais quand même, il y a la théorie de l'anthropocène, par exemple, qui explique que on arrive dans un nouvel âge géologique et biologique où l'humain a une telle influence que tout est absolument conditionné par lui. Ça, pour moi, ça fait pas que l'être humain soit au sommet de l'évolution, mais qu'en tout cas, l'importance de l'être humain en tant qu'animal est bien plus, c'est bien plus important que toutes les autres. Mais je ne le nie pas. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas au sommet de l'évolution. Mais d'accord. Cette situation est temporaire. Justement, tu parles de l'Anthropocène. L'Anthropocène, on le place quand même dans plusieurs ères paléontologique. Donc au bout d'un moment, l'Anthropocène va aussi se terminer. Mais bien sûr, ça, oui. Il va y avoir autre chose. Mmh. Et les autres espèces vont continuer à évoluer. Il va y avoir des survivants dans tout ça. Mais ça me fait penser, désolé de faire une autre. Vas-y. C'était, j'ai vu un film de zombies l'autre jour qui s'appelle The Girl with All the Gifts. Je sais pas si ça te dit quelque chose. En fait, c'est apocalypse zombie. Et il se trouve qu'il y a des enfants qui sont nés une fois que leur mère a été zombifiée pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Et du coup, ça fait des zombies bizarres qui sont capables de comprendre des choses, de parler avec des gens. Ils vont à l'école et tout. Mais dès qu'ils sentent un être humain un peu trop près, ils vont tenter de le bouffer. Et mais ils sont pas carnivores. Enfin, si, ils sont carnivores, mais ils mangent des êtres humains. Ils mangent pas d'autre chose que des trucs. Ils mangent exclusivement des êtres humains. Pas exclusivement. Non, pas exclusivement des êtres humains. Je pensais que c'était des homovores. Non. Mais du coup, l'histoire... Non, ça, c'est Henri de Lesquin. Ok, on va dédicacer ce podcast à Henri de Lesquin, je pense. Ça sera notre prochain invité. Je pense que quand on va parler du Congo, on invitera Henri de Lesquin. Et puis quand on parlera de l'Algérie, notre invité spécial, Jean-Marie Le Pen, hein, ça me paraît tout à fait évident. Bon, du coup, juste, je voulais juste vous spoiler ce film, quoi. En gros, à la fin du film, ça explique que les zombies sont zombies parce qu'il y a une espèce de champignon qui leur entoure le cerveau. Et ce champignon a un objectif très précis. Il veut rassembler de la matière vivante pour pouvoir grandir dessus. Et à la fin, la petite fille, donc, qui est la girl with all the gifts, elle décide de tuer tous les êtres humains pour pouvoir donner vie à une nouvelle génération humaine, entre guillemets, qui est une génération de zombies, en fait. Et elle veut que ce soit la fin de l'ère humaine, la fin de l'anthropocène, que ce soit le zombie-cène, voilà. Le zombie-cène. Très bien. Ben voilà, ça conclut bien la première partie. Mais la deuxième chose, quand même, ça va être un peu long si on continue comme ça. Mais a priori, les premiers primates sont apparus durant le Crétacé, hein, donc personne n'est d'accord si c'est pendant ou à la fin, mais en gros, c'est entre 66 et 85 millions d'années de ça, donc ça fait beaucoup. Donc tu connais un peu cette fameuse carte qui remet l'histoire de la Terre à l'échelle d'une journée. Tu connais ce truc? Non, je crois pas. En fait, si on prend l'histoire de la Terre, depuis que la Terre est formée, qu'on la remet à l'échelle d'une journée, l'homme moderne est apparu à 23h59 et 56 secondes. D'accord. C'est pas mal pour l'anthropocène, déjà. Déjà, oui, ça fait un bon anthropocène. C'est ça, c'est l'être humain. On est fabuleux. Bon, le gène Homo sapiens est apparu, le genre Homo sapiens est apparu à 23h59 minutes et 12 secondes. D'accord. Donc c'est vraiment, il n'y a pas longtemps par rapport à l'histoire de la Terre. Et les mammifères sont beaucoup, beaucoup plus vieux quand même, puisqu'ils sont, eux, apparus il y a 4,3 milliards d'années à peu près. Donc c'est vers 22h et 56 minutes. D'accord. Ça fait un moment que les mammifères existent et qu'ils ont évolué petit à petit. Donc ça prend du temps, tout ça. Mmh. Tout ce qu'on est en train de défoncer, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça va plus vite à défoncer qu'à se créer. Oh, très clairement. Tu connais le philosophe, il l'a déjà dit. C'est plus facile de détruire que de construire. Waouh. Mais qui est ce philosophe merveilleux? 1930, 14 octobre 2017. Donc, allez, c'est à l'exception de l'homme moderne quand même. Il faut savoir que tous les primates... À l'exception de l'homme moderne qui habite tous les continents, hein, parce qu'on est quand même assez bon pour ça, la plupart des primates vivent dans des régions tropicales ou subtropicales d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. Donc leur poids varie globalement entre 30 grammes, donc pour le microcèbe de Madame Berthe, qui est une forme de lémurien, et 200 kilos pour le gorille des montagnes. Donc c'est quand même très très varié. Donc les primates sont considérés comme des mammifères généralistes, et ont un large éventail de caractéristiques que je vais te dire tout de suite, bien sûr. Donc, certains primates sont évidemment plus terrestres qu'arboricoles, mais toutes les espèces possèdent des adaptations pour grimper aux arbres. Donc, le fait que tu puisses grimper aux arbres, si tu veux, c'est pas normal. Ouais. Ouais, tu vois. C'est une compétence qui a été acquise. Une compétence très particulière. Les baleines ne peuvent pas... Effectivement. C'est marrant, j'avais jamais pensé à ça, mais j'ai jamais vu une baleine grimper un arbre. Ouais, c'est parce que les baleines ne sont pas aussi stylées que nous. Ouais, bien sûr. Et les techniques de déplacement utilisées par les primates peuvent comprendre le saut d'arbre en arbre, la marche sur deux ou quatre membres, la locomotion sur les articulations, le balancement entre les branches des arbres. Donc c'est assez varié aussi de ce côté-là. Les primates sont caractérisés par un grand cerveau par rapport à d'autres mammifères, ainsi qu'un recours accru à la vision stéréoscopique au détriment de l'odorat, le système sensoriel dominant chez la plupart des mammifères. Donc on... assez mal, mais on voit très très bien, en fait, par rapport aux chiens notamment. Donc je pense à notre bandier ami Kunta. Donc la vision trichromatique s'est aussi développée chez certains primates, comme l'homme, par exemple, et la plupart ont, évidemment, des pouces opposables, et certains ont des queues préhensibles, c'est-à-dire des queues qui leur permettent... Attention, pas de jeu de mots. Ah non, mais qui leur permet de saisir des choses. Ah, oui. Comme quoi, par exemple. Ils peuvent se servir de leur queue pour s'accrocher à un arbre, par exemple, comme tu pourrais utiliser ta main. Moi, je peux pas faire ça, moi. Grab them by the pussy. Pardon. Bref, donc les primates ont aussi tendance à présenter un dimorphisme sexuel, ce qui signifie que les mâles et les femelles diffèrent par des traits physiques, comme la masse corporelle, la taille des canines et la coloration, par exemple. Les mâles ont tendance à être en général plus grands, plus méchants, plus dangereux que les femelles. Oui, ça, oui. Curieusement, chez les humains, le dimorphisme sexuel est moins marqué que chez beaucoup de primates de la planète, en fait. Tu peux te dire, oui, les femmes sont différentes des hommes, mais en réalité, en moyenne, la différence de masse corporelle, par exemple, entre les hommes et les femmes, n'est que de 15% environ. Donc, c'est pas le plus ouf, si tu veux. Donc, les primates ont aussi une vitesse de croissance beaucoup plus lente que les autres mammifères de taille similaire et atteignent la maturité beaucoup plus tard. Par contre, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une durée de vie beaucoup plus longue que les autres mammifères. D'accord. Ça, c'est assez stylé. Ça s'explique assez facilement, hein. C'est que les cerveaux qui sont beaucoup plus grands, c'est un peu à la fois une bénédiction et une malédiction. Donc ils aident à la reproduction, évidemment, mais ils nécessitent aussi une quantité de temps prolongé pour pouvoir se mettre en place. Donc les primates nouveau-nés avec leur cerveau immature seraient incapables de survivre sans l'aide d'un ou des deux parents. Ouais, ils ont besoin d'un long temps d'éducation pour pouvoir vivre correctement. Exactement. Ou du clan étendu d'une manière générale au cours des premiers mois ou des premières années. Typiquement, tu lâches un bébé humain dans la nature, oui. Il se fait défoncer. Il n'y a aucune chance qu'il survive. Donc, de même, comme les humains, la plupart des primates ne donnent naissance qu'à un seul nouveau-né, ce qui implique un investissement plus important des ressources parentales, par exemple. Donc, tout ce qu'on a construit sur le rapport à l'enfant, ce n'est pas non plus culturel, c'est aussi une donnée de la nature avec laquelle on a eu à jouer. Parce qu'une tortue de mer, par exemple, peut se permettre d'ignorer ce nouveau-né pour atteindre l'eau afin de perpétuer l'espèce, puisque bon, il en fait des tétrachillées à chaque fois, si tu veux. Voilà. Bon, selon les espèces, les adultes peuvent vivre soit seuls, en couple, ou dans des groupes qui peuvent aller jusqu'à des centaines de membres chez les primates. Peut-être parce qu'ils comptent justement plus sur leur cerveau que sur leurs griffes ou leurs dents. Franchement, les ongles humains. Voilà. La plupart des primates ont tendance à rechercher la protection de communautés étendues, y compris des clans dominés par des hommes ou des femmes, des couples monogames de mâles et de femelles, et même des familles nucléaires, comme un couple d'enfants, par exemple. D'accord. Avec des ramifications qui sont assez semblables à celles des humains. C'est-à-dire qu'on peut avoir des familles recomposées, des choses un peu random de ce genre-là aussi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les communautés de primates ne sont pas des oasis de douceur et de lumière. Hein. Le meurtre et l'intimidation sont très fréquents chez les primates, et certaines espèces vont même tuer les nouveaux-nés des autres membres du clan. Donc les êtres humains et les autres grands singes, par exemple, ils semblent partager une dimension sociale assez unique, quand même, qu'on appelle la culture. La culture. Bien sûr. Les primates ont une culture alors que les autres n'ont pas, c'est ça que tu es en train de dire ? Mais oui, en fait, c'est surtout chez les primates qu'il y a de la construction. En plus de la construction sociale, il y a une construction supplémentaire, en fait, une espèce de méta-construction sociale qu'on peut appeler la culture. Et par exemple, il y a eu différents auteurs qui ont réussi à démontrer que certains grands singes, tels que les chimpanzés, pouvaient partager des particularités culturelles, des pratiques apprises et non pas innées, transmises à l'intérieur d'un groupe, mais inconnues en dehors du groupe, par exemple. Donc tout ça, c'est naturel. La culture, c'est de la nature. Bon, bref. Pour terminer, en fait, il y a une caractéristique aussi très importante chez les primates, c'est que c'est les mammifères les plus doués en utilisation d'outils. Même si ce n'est pas un comportement spécifique aux primates, par exemple, il y a certains oiseaux qui utilisent des branches pour soulever des insectes dans les arbres. Pris dans leur ensemble, plus de primates utilisent plus d'outils que tout autre type d'animal, employant des bâtons, des pierres, des feuilles pour diverses tâches assez compliqué, hein, comme nettoyer leurs oreilles et gratter la saleté de leurs ongles. Mais c'est pas un peu grâce au pouce opposable, ça, ce truc-là ? Entre autres. Oui. Bien sûr, le primate, maître ultime de l'outil, c'est Homo sapiens. Oui. C'est celui qui aura quand même créé, avec du temps et de la patience, l'iPhone et le microphone grâce auquel blablabla, vous connaissez l'histoire, nous sommes absolument géniaux, on arrive à vous parler à travers ce podcast aujourd'hui. Internet, on a inventé, on a inventé Internet. L'outil ultime, YouTube. Bien sûr, Wikipédia, tout ça, tout ça. Archive.org. Ouais, fabuleux. PodCloud. Bref, voilà l'histoire, voilà l'histoire des globalement, voilà ce que sont les primates. D'accord. J'ai eu envie de parler des primates aujourd'hui parce que il y a énormément de choses à dire sur les primates. Hein. Je pense que je vais à un moment ou un autre me concentrer sur la structure sociale et comportementale des primates. Pour aller un peu plus en détail, là aujourd'hui c'est plus... L'introduction à la série de documentaires de 10130 sur les primates. Sur les primates, et sur d'autres types d'animaux qui sont tout aussi fabuleux dans leur domaine en fait. Mais c'est justement ça que j'essaie de dire aujourd'hui à travers cette rubrique, c'est que, évidemment, il y a encore énormément de choses à dire sur les primates, mais l'idée de cette rubrique, c'est de traquer en parallèle du Glovok rien de moins que la nature de la vie. Donc, le sujet est délibérément assez large pour couvrir les domaines de la biologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie et de la philosophie amateur. J'ai plein de diplômes dans tous ces domaines. Mais les primates me donnent l'occasion de commencer par replacer l'homme dans un ordre, lui rappelant sa nature animale. Donc, voilà le twist. La classification taxinomique n'est rien d'autre qu'une tentative hyper perfectionniste des êtres humains de faire du fichage ethnique du vivant. Malgré sa précision relative et la finesse de ses analyses génétiques, c'est un classement qui reste arbitraire et idéologique. Je ne nie pas les caractéristiques communes des primates, mais ce sentiment d'apparenté avec les singes nous éloigne d'un sentiment d'apparenté qu'on pourrait avoir avec les éléphants, qui font eux partie de l'ordre des proboscidiens, avec les cygnes, qui appartiennent à la classe des oiseaux, Aves, des escargots, qui font partie de l'embranchement des mollusques, de l'hibiscus, qui appartient au règne plantaire, ou même des archées, qui ont signé allégeance à l'empire procaryote. Les archées, c'est des bactéries, en gros. Donc, c'est cette absurdité de la classification qui a semé les graines, avec mauvais jeu de mots, de la guerre des véganes actuels. Je comprends le projet végan, et dans une certaine mesure, je le soutiens, mais soyons clairs, dans cette guerre, je suis anti-végan. Pour une seule raison, le mépris de ces derniers pour la vie végétale. Je ne donne pas du tout raison aux omnivores, dont je fais partie, mais en relativiste absolu, je mets sur le même plan toutes les formes de vie et même d'existence. C'est-à-dire que la pierre aussi est importante. Je trouve tout aussi scandaleux de manger de la viande humaine que de manger du soja. Et l'arrogance dont font preuve certains consommateurs occidentaux fortunés, perdus dans un monde insensé, pétri dans leur certitude athée universalisante et moralisateur dans une croisade insensée contre le corps, au nom d'un véganisme qui n'est que le masque d'une honte ineffaçable et impardonnable de tous les crimes contre la nature qu'ils ont organisés et soutenus, m'oblige à faire un pas de côté et à admirer le spectacle de loin, en me moquant, mais sans juger. Je m'emporte. Franchement, pas du tout. 60% des espèces de primates sont menacées par l'activité humaine, et par activité humaine, je veux dire moi. Franchement, j'assume complètement. Mais sincèrement, la seule chose que je peux faire, c'est juste dire « c'est dommage ». Les primates me donnent au moins l'occasion de voir à quel point tout ce travail de classement taxinomique ne sert véritablement qu'à préconstituer une archive fine, fascinante et précise de tout ce que l'homme aura réussi à détruire dans son glorieux chemin pour devenir et rester maître et possesseur de la nature. Ok, 10130. Alors du coup, je ne pensais pas que ça allait finir en diatribe contre le véganisme. J'étais un peu surpris par ce twist final. Bah, on embrasse tous nos amis véganes, hein, de toute façon, qui sont... Ah oui, non, mais on en va, mais on embrasse, coup, mais fait, justement, es, en fait, ce que j'essaie de... Tu es partisan d'un antispécisme total. En fait. Oui, en fait, je suis pas... Je trouve que tout le monde s'arrête en chemin, en fait, parce que c'est trop facile, si tu veux, de se dire, oui, vous, vous mangez des animaux, nous, on ne mange que des végétaux. Mmh. Mais les végétaux sont des êtres vivants, bien sûr. Tout comme les bactéries. Ils ont une existence. En fait, ce qui m'énerve... Tu te souviens quand même que dans le dernier podcast, c'était vegan or shut up, le message que tu avais posé. Mais voilà le twist, justement. Pour moi, soit tu vas... super loin, soit tu fermes ta gueule. Non, mais on est d'accord. D'une manière générale, en fait, mais après, la vie, c'est hyper compliqué à définir, c'est hyper compliqué à analyser. Ce que je n'aime pas, c'est pas le véganisme. D'une certaine manière, je suis quand même assez... oui, je comprends, j'admire, je suis quand même un enfant... La question d'élevage, des années 90, voilà. Tout va bien, on a eu le courage de crème qu'il faut, c'est bon. Par contre, si on veut aller plus loin dans la réflexion philosophique sur le sujet, pourquoi s'arrêter au règne animal à protéger? Pourquoi se Parce qu'avec le règne animal, il y a cette capacité de... d'anthropomorphisme, en fait, qu'on n'a pas avec la plante. Si mais oui, veux. Mais justement... Parce que la plante, elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas de... Alors que l'animal, oui. Absolument, mais déjà, tous les animaux ne sont pas aussi précisément... Non, mais oui, je vois très bien ce que tu dis, mais en même temps, à ce moment-là, ça veut dire que c'est toujours de l'anthropomorphisme. Mais oui, mais donc, il n'y a que ça, de toute façon. C'est pour ça que la question qui m'a intéressé dans tout ça, en fait, c'est... Finalement, le vrai problème, c'est que les véganes sont des scientifiques, en réalité. Des technocrates. C'est des technocrates, ouais. C'est des gens qui ont limité en fait leur combat à une catégorie. Et c'est très bien, c'est très louable. Oui. Mais en même temps, si on arrive à dépasser la science, justement, parce que ça, c'est quand on sort de l'anthropomorphisme, on rentre dans autre chose, on rentre dans un sentiment de justement d'appartenance au vivant. Bah, la levure de bière qui te permet de boire, bah, tu te sens solidaire d'elle. Mais justement, en te sentant solidaire d'elle, tu es un peu obligé d'admettre que sa mort, c'est ta vie, en fait. Mmh. Oui. Et que tu ne peux pas juste la simplifier comme ça. Après, les combats contre les fermes des 1000 vaches et des... Oui, non, mais ça c'est encore un autre domaine. Mais globalement et philosophiquement, je pense que la limite ne devrait pas s'arrêter. Ben, non, mais ça, on est d'accord que la limite ne devrait pas s'arrêter. Mais le problème, c'est que la question du véganisme, pour moi, elle n'est pas philosophique, elle est morale avant tout, la question du véganisme. C'est-à-dire, on se dit, est-ce qu'on tuerait un être humain pour pouvoir le manger? A priori, non. Et du coup, c'est... par extension de cette morale-là qu'on finit par appliquer aux animaux parce qu'il y a anthropomorphisme, qu'on finit par devenir vegan. Parce que le véganisme, au fond, ça n'a rien de philosophique. C'est pas une question qui est par rapport au vivant, en fait. Et oui, mais justement, tu vois bien qu'il y a un problème là sur ce sujet, c'est que le véganisme a aussi des ambitions universalisantes. Oui, et c'est là où ça recoupe avec l'Ouganda, justement. Parce que on est en Ouganda, on est en Afrique, on est avec des gens qui vivent des choses complètement différentes de tout ce qu'on peut imaginer la plupart des Européens, notamment dans leur manière de concevoir ce qui est le vivant, ce qui peut être tué, pas tué, ce qui peut être une sexualité, pas être une sexualité. La morale étant relative, justement, je trouve qu'on... Enfin, ça se justifie éventuellement dans un contexte occidental, mais que c'est un truc qui ne peut être limité, si jamais il faut reconnaître des frontières, que dans des frontières occidentales, et des frontières culturelles occidentales, si tu veux. Et donc, on ne peut pas se permettre de continuer de... Enfin, on ne peut pas ne pas apporter une critique philosophique au véganisme, une critique morale au véganisme. Moi, ma morale, elle est là, en fait. Elle est dans le fait que c'est ta morale contre plein d'autres morales. Oui. Donc, elle n'est pas beaucoup plus justifiée que les autres. Elle est au même niveau. Parce que je suis sensible et que je suis culturellement induit à penser ça, je te soutiens vaguement. Mais ne va pas trop loin, en fait. Mmh. Ne sois pas présomptueux. Et c'est ça que j'avais envie aussi de dire à travers le rapport avec les primates et avec la vie d'une manière générale. Personne n'a une idée claire de ce qui se passe, en fait. Donc arrêtons tous de nous prendre la tête. Et on va clôturer ça avec la dernière fois, c'était Vegan or Shut Up. J'ai envie de dire, pour les prochaines rubriques, on va rester sur Life or Shut Up. ena kwenzita nolo etoto sana kwetu kuza kya tabunyo nduli balumu mwatu na sobya nyeba kuteka mukomyo olikila bana wena kago mbobo na bona kwense bonya bobo mpaka nyampaka nyampola bienjogera mbimanyela. Alors une petite rubrique assez courte dans laquelle je vais vous parler de l'homme le plus laid de l'Ouganda. L'homme le plus laid de l'Ouganda s'appelle Godfrey Baguma. Son nom de scène c'est Abagala Sesabi. Sebabi, pardon. Sebabi, ça veut donc dire l'homme le plus moche, tout simplement. C'est comme ça que, c'est comme ça qu'il est désigné, ce garçon. Alors, je vous conseille d'aller voir quand même sur Internet la tête que ce garçon a. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'homme le plus moche ? Sebabi, ça s'écrit comment ? Ça s'appelle... C'est 2SEBABI. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur ce garçon. En fait, je suis tombé du coup sur lui en faisant mes recherches musicales sur l'Ouganda, puisqu'il a fait un clip musical où il est voilà, en train de danser à côté d'une piscine, et il est avec des filles, et il se met bien, quoi. Et ça m'a pas mal perturbé, puisque le premier plan, du coup, c'est donc Godfrey Baguma, qui est donc quelqu'un qui est atteint d'une maladie orpheline, qui lui déforme complètement le visage, où il a une gencive qui ressort de la bouche, et un nain. Et du coup, j'arrive sur YouTube, je cherche de la musique ougandaise, et je tombe sur ce mec extrêmement bizarre avec un nain à côté de lui qui sont en train de faire de la musique. Et du coup, ça m'a un peu fasciné. Je suis allé faire des recherches sur ce garçon. Il a 45 ans, ce garçon, quand même. Ah ouais, comment ça se voit pas ? Ça se voit pas. Il fait plus jeune, déjà. C'est parce qu'il est noir. Il a 45 ans, et en fait, tous les articles qui parlent de lui sur Internet parlent principalement de son rapport aux femmes. Parce que effectivement, on se demande comment est-ce que ça se passe avec les femmes quand on est vraiment très moche, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il nous explique, donc il est cordonnier à la base, ce garçon. Il est cordonnier en Ouganda. Il a commencé à travailler à 15 ans. Et grâce à son travail de cordonnier, quand il a commencé à grandir, il a commencé à avoir un petit peu d'argent. Jusque-là, les filles ne s'intéressaient pas du tout à lui. Mais à partir du moment... J'ai vu la photo, il est quand même extrêmement moche. Ah oui, non mais c'est quoi. Et ça, alors, sa femme actuelle est plutôt jolie, en fait. Ça, c'est... Ça, bref. Mais du coup, il explique... L'argent. Il explique dans ses interviews que, voilà, il dit que les femmes sont intéressées par l'argent et qu'à partir du moment où il a eu de l'argent, les femmes ont commencé à venir le trouver. Il a eu une petite copine, elle l'a trompé avec un mec, donc ils se sont séparés. Et 5 ans plus tard... alors, je cite, hein, 5 ans plus tard, un parent m'a conseillé d'avoir une femme pour m'aider aux tâches ménagères. Voilà. C'est l'Afrique. On est quand même dans un contexte africain, faut pas l'oublier. Et du coup, alors je continue de la citation parce que j'ai rien écrit sur cette partie, j'ai un article sous les yeux. Donc il dit, quand elle m'a vu, elle ne me semblait pas être choquée. Je pense qu'elle voulait vraiment avoir un autre homme et ne se soucie pas de mon apparence physique. J'ai entendu dire que déjà, elle vivait avec un homme très pauvre. Je pense qu'elle était attirée par moi à cause de mon argent. Tu vois, ça revient toujours, cette question de l'argent. Donc voilà, il fait un petit peu sa vie. En 2002, il participe à un concours de l'homme le plus vilain. Je cite le site abidjantv.net, l'homme le plus vilain. Et il gagne évidemment son concours. En prime time sur TF1. Et donc il est sacré l'homme le plus laid vivant. Voilà, donc il fait ça. Et c'est comme ça qu'il a eu donc son surnom Sebabi, qui signifie le plus laid de tous. Et il trouve une femme, du coup, à partir de je ne sais plus quand exactement, j'arrive pas à trouver, mais il est tombé amoureux d'elle, il l'a aimée, et ça a été difficile de la convaincre, mais elle a fini par accepter sa proposition, et elle a emménagé chez lui, et pour une fois, ce n'est pas une femme qui en avait pour son argent, comme il l'affirme depuis le début, c'était vraiment une femme avec qui, voilà, il s'entendait bien, il y avait un bon feeling, et du coup, il a juste décidé de se marier avec elle. Ils ont maintenant 5 enfants, je crois qu'ils... 5 ? Ils en ont 5. Il est quand même en Afrique. C'est quand même assez fascinant, même l'homme le plus moche d'Afrique arrive quand même à avoir 5 enfants. Il a quand même 5 enfants, voilà. Ah ouais, GG, hein. Et est-ce que ses enfants sont moches, du coup ? Non. Bah, lui, vraiment, il a une maladie très particulière génétique qui fait que. Mais oui, non, mais justement. Non, mais ça n'a pas été. Comme ses enfants sont normaux, j'ai envie de dire. Oui, mais non, mais du coup, voilà, j'ai trouvé ce personnage assez intéressant. Et puis, du coup, ça m'a posé une question aussi. Je me suis dit que en France, en Europe, en Occident, en ce moment, on est en train de beaucoup parler de questions des discriminations vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des gens qui n'ont pas la même couleur de peau, vis-à-vis des gros et des grosses en particulier. En la grossophobie. La grossophobie. Et on n'a pas encore eu de mouvement des moches. Ouais, mais c'est assez étonnant parce que tu sais que tu as moins de chances de trouver du travail quand tu es moche que quand tu es arabe ou noir. J'imagine bien. C'est un vrai problème. Ça, c'est une vraie discrimination aussi, le fait d'être moche. Mais qu'est-ce que tu veux y faire Du coup, c'est surtout quoi la beauté en fait Ouais, on va pas aller jusque là. Je vais juste penser à, je vais juste faire une référence et on va continuer. J'ai vu les dernières vidéos de Dirty Biology sur. Et de son ami là, comment elle s'appelle? Manon Bril, je crois. Manon Bril, ouais, justement, sur la beauté, sur les canons de beauté. Et je pense qu'ils ont raté une occasion de présenter ce garçon. Ouais, effectivement, en fait. Parce qu'il a quand même réussi, sans être beau, il a quand même réussi à avoir une vie qui peut être à peu près normale, et pourtant, il est handicapé. Parce qu'au-delà c'est pas juste qu'il est moche, il est quand même handicapé. Il est quand même handicapé. Et quand tu demandes comment les moches trouvent des femmes, et comment les handicapés trouvent des femmes, en fait. Et c'est qui aime les handicapés? Et du coup, on en a. je pense qu'il y a un fétiche particulier par rapport aux handicapés, ça existe. Le fait, ouais, mais je crois que j'ai déjà vu. Attention. Maman, si tu écoutes ce podcast, il est temps de couper le podcast dès maintenant. Mais je crois que j'ai déjà vu un porno avec une femme trou. Non, mais pas que ta maman. Ma maman n'écoute pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, je crois que j'ai déjà vu un porno avec une femme tronc dans la catégorie bizarre, tu sais. Cette fameuse catégorie bizarre qu'on va voir de temps en temps, mais jamais. Je ne vois pas ce que c'est. Moi, si les auditeurs, les auditrices savent aussi de n'avoir jamais vu ça. Quoi? Tu connais pas la catégorie bizarre des... Non. Ok. J'ai des fantasmes sexuels tout à fait. Mais je parle pas des... Je dis pas que c'est un fantasme sexuel, mais t'as la curiosité quand même. Tu vois une revue qui s'appelle Bizarre, tu vas voir, quoi, à un moment, on est sur Internet. Je n'ai même pas la curiosité d'être dégoûté pour le futur. Très bien. Une bien belle rubrique. Non, mais c'est une rubrique qui ne va nulle part, mais qui pose quand même une question assez intéressante. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, là. Déjà, comment les handicapés font. Il y a aussi... c'est assez lié à la question de la prostitution, en fait, parce que j'avais vu des articles, des choses sur les handicapés qui, pour avoir un peu de sexe, quoi, sont obligés de payer des prostituées. Donc la légalisation de la prostitution, c'est pas pour ce podcast-ci. À un moment ou un autre, on ira à Amsterdam. mais c'est quand même assez intéressant de voir justement le rapport que peuvent avoir les handicapés en particulier au fait de pouvoir, ou des handicapés ou les moches d'une manière générale, à avoir accès à des femmes. Moi, je ne suis pas le plus... Si, quand même, je suis extrêmement beau comme garçon. J'ai quand même un corps de. Mais j'ai une plus belle voix que toi, ça. Tout le public est unanime. Oui, mais tu vois bien que la voix déforme, en fait, dans la tête des gens. Mais bien sûr, je deviens une espèce de spectre comme ça dans la tête des gens. Beau physique, mais je suis beaucoup plus beau aussi, vous voulez savoir, que le docteur Delax. Mais tu es noir. Et ça, quand même, ça peut en repousser plus d'une. Ouais, mais en même temps, j'ai une copine et pas toi, tu vois. Ok. Vraiment une rubrique que je. Les moches et les femmes, c'était une belle. Histoire raconte. Histoire raconte. Histoire raconte. Il était une fois, au pays de l'Ouganda, lorsqu'il n'y avait personne qui l'habitait, un homme seul qui s'appelait Kintu. Il avait une vache et cette vache était son grand ami, mais il était très seul, tout seul, sur la terre. Au même moment dans le ciel, il y avait un beau royaume appelé la Terre des Nuages. Le roi de cette terre s'appelait Goulou. Il avait beaucoup de fils et de filles, et ses enfants avaient l'habitude d'attendre qu'un arc-en-ciel touche la terre, puis Il glissait vers le bas et restait un peu en dessous, jouant parmi les arbres. Mais il ne pouvait pas rester longtemps, car un arc-en-ciel se dissipe très vite dans le chaud soleil, et s'il attendait trop longtemps, il ne pourrait plus rentrer chez eux, à la terre des nuages. Un jour, deux des fils de Goulou ont vu un arc-en-ciel toucher la terre et ont invité leur seul Nambi pour les accompagner. Nambi était une très belle fille et le roi Goulou l'aimait beaucoup. Elle s'est précipitée avec ses frères et a glissé vers la terre. La partie de la terre que l'arc-en-ciel avait touchée ce jour-là, c'était l'Ouganda. Ils ont vu Kintu assis tout seul à regarder sa vache paître. Au début, ils étaient plutôt effrayés car ils n'avaient jamais vu un homme auparavant. Mais ils se sont sentis très vite liés à Kintu et sont restés longtemps à lui parler. Il leur a dit qu'il était seul et Nambi, qui avait un cœur tendre, était très désolé pour lui et lui dit « Je reviendrai et je t'épouserai. Et alors tu ne seras plus seul dans ce beau pays. » Quand ils rentrèrent chez eux, les frères reprirent Nambi. Ils lui dirent « Pourquoi as-tu dit ça? Tu sais que notre père Goulou ne te permettra jamais de partir et d'épouser Kintu. » Mais Nambi répondit « J'y vais. J'ai promis à Kintu et mon père ne voudrait jamais que je rompe ma promesse. Je rentrerai maintenant chez mon père, puis je rangerai toutes mes affaires et j'irai vivre sur la terre pour toujours. » Quand ils retournèrent sur la terre des nuages, ils dirent à Goulou tout ce qu'ils avaient fait et Nambi lui dit qu'elle avait promis d'épouser Kintu et d'aller vivre sur terre. Au début, Goulou était en colère, mais finalement il donna son consentement, mais à une condition. Il dit à Nambi, « Si tu veux être heureux sur la terre, tu dois aller en cachette, prépare tes affaires très soigneusement, et ces deux frères iront avec toi et s'assureront que tu arrives en sécurité. Mais quoi que tu fasses, ne dis à aucun des autres de tes frères où tu vas. Si ton frère que nous appelons Walumbe en entend parler, il voudra vous accompagner et gâtera votre belle terre. » Alors Nambi et ses deux frères ont emballé toutes ses affaires dans des paquets et elle dit au revoir à son père, puis ils commencèrent à descendre l'arc-en-ciel. Soudain, Nambi s'arrêta. « Oh, j'ai oublié la graine de millet pour mes poulets, » dit-elle. Et comme Kintu n'a pas de poules, il n'aura pas de graines de millet. Et mes poules mourront, et je dois me dépêcher de la chercher. Elle retourna rapidement et trouva la petite parcelle de graines, et comme elle retournait à l'arc-en-ciel, elle rencontra son frère Walumbe. « Où vas-tu ? » lui demanda-t-il. Nambi, très effrayé au début, ne voulait pas lui dire. Mais Walumbe ne s'en irait pas. « Où que tu ailles, je m'en vais aussi, » dit-il. « Tu ne peux venir avec moi, » a pleuré la pauvre Nambi. « Je vais sur la terre et notre père a dit que tu ne devais pas partir avec moi. »« Oh, oh !» dit Walumbi. « Alors tu as essayé de me cacher un secret. Eh bien, tu peux partir, mais je viendrai te rendre visite bientôt à toi et à ton homme Kintu. » La pauvre Nambi a beaucoup pleuré et quand elle est arrivée à l'endroit où ses frères l'attendaient, elle leur dit. Ils ont été horrifiés et ont eu peur de ce que leur père Goulou pourrait dire. Et ils ont dit à Nambi, « Si tu n'avais pas été désobéissante, cela ne serait pas arrivé. » Mais comme rien n'a pu être fait, ils ont tous glissé sur l'arc-en-ciel vers la terre et Nambi a vite oublié ses larmes quand elle a revu Kintu et a vu combien elle l'avait rendu heureux en revenant. Puis les frères lui dirent au revoir et rentrèrent à la maison. Et Nambi commença à faire sa nouvelle vie. Elle dénoua le paquet de tiges de bananier et montra à Kintu comment les planter en rangées écartées. Car elle dit, elles se propageront et auront besoin d'espace pour pousser. Puis elle planta une branche d'écorce d'où, avec le temps, elle montra à Kintu comment faire de l'écorce. Et elle sema une partie de la graine de millet afin que ses poules aient toujours de la nourriture. Et elle et Kintu étaient très occupés et très heureux. Et s'aimait beaucoup. Puis un jour, Walumbe descendit les voir et Nambi eut très peur. Elle dit tout de lui à Kintu. Nous devons nous débarrasser de lui à tout prix. Mon père Goulou m'a dit qu'il gâterait notre bonheur. mais rien n'incitait Walumbe à s'en aller, et qu'il tout lui promit enfin. Si tu t'en vas, pour ne pas revenir, je te donnerai mon premier enfant. Walumbe s'en alla alors. Kintu et Nambi vécurent de nombreuses années ensemble, heureux, et eurent beaucoup de fils et de filles. Kintu avait alors tout oublié de sa promesse. Un jour, enfin, Walumbe revint réclamer son enfant. Kintu était très en colère et essaya de le chasser, mais cette fois Walumbe ne partirait pas et lui dit « Comme tu n'as pas tenu ta promesse et que tu ne m'as pas donné ton premier enfant, maintenant je resterai sur terre. Pour toujours, et je prendrai ce que je veux. » Et bien que Kintu et Nambi eut tant d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants que Luganda était bientôt plein de monde, Walumbe de temps en temps vient et s'empare parfois d'un vieil homme, et parfois d'un jeune homme, et parfois d'un petit bébé. Mais le pays de Luganda est plein de gens qui ont de beaux jardins de bananes, beaucoup de vaches et de poules, et de petits-enfants avec des peaux comme du chocolat, et les arcs-en-ciel descendent de la terre des nuages et touchent la terre, comme ils le faisaient les jours où Nambi a joué avec ses frères. Alors ça va finir par devenir une tradition, bon, on l'évoque, mais hier soir, 10130 et moi, on a encore regardé un film ensemble à propos de l'Ouganda. C'est un film qui s'appelle Le Dernier Roi d'Écosse. Tu veux peut-être nous en parler, nous dire un petit peu de qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle. Déjà, c'est très curieux qu'un film sur l'Ouganda s'appelle Le Dernier Roi d'Écosse. Bien sûr. Mais c'est un film quand même assez intéressant et qui mérite d'être vu. C'est un film dont l'acteur principal arabe a remporté l'Oscar en 2007 du meilleur acteur. Donc il faut peut-être le voir si vous avez l'occasion. Le Dernier Roi d'Écosse, donc, de quoi ça cause ? Le Dernier Roi d'Écosse, c'est l'histoire d'Idi Amin Dada. Alors, Idi Amin Dada, c'est un personnage assez fascinant de l'histoire ougandaise, parce que c'est le dictateur qui a régné entre 71 et 79, je crois. Je ne suis pas très... Ouais, c'est à peu près. Non, je me demande même s'il n'a pas allé jusqu'en années 80. Non, je crois qu'il a 79, duré 8 ans et que les années 70, c'était le siècle, la décennie de Idi Amin Dada. Alors, c'était un dictateur africain. Mais c'est un personnage quand même assez fascinant qui a été... dont l'histoire est un peu relatée, pas précisément, mais assez dans ce film, qui raconte en vrai l'histoire d'un jeune docteur écossais qui a choisi de s'immigrer en Ouganda pour faire la différence, hein, comme tout social justice warrior qui... Mais c'est vraiment l'histoire du petit blanc aussi qui a fait des études, qui est riche, et qui a envie de s'offrir un petit peu d'aventure en partant à l'étranger. C'est ça. Du coup, lui, il choisit l'Ouganda. C'est ça, le petit médecin ougandais, écossais, qui se retrouve en... Moi, j'ai trouvé un petit côté Jérôme Jarre. Tu vois Jérôme Jarre un peu ou pas? Je préfère ne pas en parler parce que je le vois de loin et je le méprise de loin. D'accord. Donc, je n'ai pas beaucoup d'avis, en fait. J'ai que du mépris de loin, j'assume pas les mépris de loin. Ok. Bref, oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est le genre d'un type qui voulait faire le malin, un petit blanc qui voulait faire le malin en Afrique, qui est allé là, un médecin qui a commencé à aider la population locale, notamment les villageois, et qui s'est assez rapidement retrouvé, en fait, à devenir le médecin personnel du dictateur Idi Amin Dada, donc, qui se fait surnommer le dernier roi d'Écosse. Donc tout le film en fait suit la descente aux enfers de ce jeune idéaliste, si tu veux, ou aventureux, qui se rend compte que l'Afrique, l'Ouganda, ce n'est pas que de l'aventure, c'est énormément d'intrigues sanglante, politique, violente, et il va traverser son chemin dans cette violence qu'il vit et qu'il n'a pas connue chez lui. En fait. C'est l'histoire d'un petit blanc qui tombe sur Alain Soral en Afrique. Mais c'est pas, il a plus qu'Alain Soral en fait, parce que si ce personnage du coup de Amin Dada est si fascinant, c'est parce qu'il est vraiment sympa en fait. C'est que, en tout cas, humainement, le type est sympathique. Il va se présenter comme proche du peuple. En fait, je lui ai trouvé pas mal d'accent de Che Guevara, notamment dans le discours qu'il fait au début du film où il explique que moi, je suis comme tout le monde. Je suis un Ougandais comme tous les autres. Je ne mange pas tant que mes soldats n'ont pas mangé. Et ça, c'est typical Che Guevara, quoi. C'est vraiment général, en chef. Le chef de guerre qui est extrêmement dur avec ses soldats, mais qui se met quand même au même niveau que qui s'impose la même rigidité à lui-même, quoi. Vite fait, hein, le même niveau que j'ai quand même vu manger. Et ça, c'est une scène quand même assez fascinante. Il passe très vite. J'ai quand il mange avec les mains, le foie gras avec les mains. Ouais, effectivement. T'as ouais. vu ça cette avec scène est assez... mec, effectivement, il mange avec les mains, mais il mange du foie gras quand même. Il est c'est pas je suis un président. Alors moi il y a un truc qui m'a particulièrement marqué. En fait donc tu n'as pas cité le nom de l'acteur mais c'est Forest Whitaker qui joue le Amin Dada. Et moi Forest Whitaker je le connais pas très bien. Je le connais juste pour un rôle en particulier qui m'a beaucoup marqué. C'est le rôle de Charlie Parker dans le film de Clint Eastwood Bird du coup qui est le biopic hein, de Charlie Parker. Et du coup donc Charlie Parker pour ceux qui ne savent pas c'est un saxophoniste de jazz. Et qui avait, pareil, un petit peu ce côté débonnaire, sympathique, très ouvert, très rigolard, très... et qui, d'un autre côté, était un personnage assez sombre, qui avait une intériorité très, très, très complexe, et du coup qui était un personnage difficile à saisir. Et du coup, il y avait cette proximité entre les deux personnages, et en plus la proximité de Forest Whitaker qui interprète les deux. Et du coup, moi j'ai passé toute la première moitié du film à imaginer que ce dictateur africain était un saxophoniste célèbre qui était en train... Mais il pourrait l'être, en fait. Il pourrait parfaitement être... À un moment, il a fait de l'accordéon. Je sais pas si c'était... Oui, ce moment d'ailleurs est très très rigolo, parce que c'est le mec, c'est le dictateur bourré qui, avec son accordéon, qui fait deux accords et qui chante un truc, et tout le monde est autour en train de l'écouter un petit peu gêné, mais en même temps... Ouais, c'est drôle, ça. En fait, c'est un très bon film, parce qu'il montre effectivement déjà l'état des rapports africains dans les années 70, mais c'est aussi un rôle quand même qui a assez bien révélé l'acteur... comment il s'appelle, James McAvoy, ouais. Que moi je connais pour le professeur Xavier dans les X-Men, c'est pas bien du sûr. Tout les mêmes références. Donc moi pendant tout le film j'ai imaginé le professeur Xavier en train de se faire dominer par un dictateur africain, et j'ai trouvé ça aussi très très bon. Mais du coup, on avait la dernière fois, on avait parlé du petit blanc, du petit baptou fragile qui était Eric Lanviking, du coup, qui ne voulait pas correspondre au système patriarcal dans lequel il vivait. Mais là, c'est en fait le petit blanc, le petit baptou fragile qui finalement se fait avoir par le gros noir méchant qu'on n'avait pas soupçonné à ce moment-là. En fait, comme lui, il est arrivé en tant que blanc en Afrique avec ses propres préjugés racistes du fait que les pauvres, ils sont forcément sympas, ils ont forcément une bonne volonté sur la plupart des choses. Et c'est comme ça qu'il s'est fait baiser, en fait. C'est avec ses propres a priori positifs sur les autres qu'il s'est fait avoir. Et du coup, la question, c'est... j'en reviens, en fait, presque à l'intro que j'avais fait au tout début, où la question était de savoir... pourquoi est-ce qu'on a fait des hémisphères puisque les gens sont des connards aussi bien au nord qu'au sud, et ce garçon-là n'avait pas conscience que les gens étaient des connards aussi bien au nord qu'au sud. Il était, j'ai l'impression, parti du principe que si c'était au sud, si c'était des pauvres, tout était bien, tout était normal, tout était... Ouais, il était aussi un peu politiquement ignare, hein, quand... Oui, il y avait aussi ça. C'était un macroniste. Hein. Oui, il y avait un peu ça, ouais. Il avait un côté un peu, bah, c'est le président, laissez-lui une chance. C'est le président, tout le monde l'aime, il est populaire, c'est bon, c'est quelqu'un bon, de bien, tout va bien. Et pendant ce temps, les gens étaient pas contents, et non seulement les gens étaient pas contents, mais ils se faisaient que, surtout particulièrement massacrer, en fait. Oui, parce que du coup, on peut peut-être parler un tout petit peu du personnage d'Amin Dada dans la vraie vie, parce que finalement, le film montre pas beaucoup les exactions d'Amin Dada. Il le précise à la fin, du coup, 300 000 personnes tuées sous le régime d'Amin Dada. Ouais, j'ai trouvé d'autres sources qui, bon, c'est des sources contestables, hein, qui disaient 8 millions. Hein. Oui, alors 8 millions, ça commence à être un peu contestable, effectivement. C'est beaucoup, hein, je pense. Ouais. Mais du coup, alors, Amin Dada, c'est quand même c'est un type très particulier. Il donnait donc à manger certains opposants politiques à ses crocodiles. Ça, je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est la vérité. Je n'en doute pas. Pas beaucoup, mais en même temps, ce film est un peu particulier quand même, parce que c'est quand même un film à Oscar, puisque ce garçon a eu son Oscar, qui décrit d'un point de vue occidental la vision qu'ils ont d'un dictateur africain. Ouais. C'est le syndrome Saddam Hussein, typiquement. On attend d'ailleurs le biopic sur Saddam Hussein avec impatience. Oui, Et le problème, c'est que Idi Amin Dada n'est pas détesté ça par tout le monde. Il a toujours une certaine popularité. Mais il y a toujours une base de soutien, de toute façon, pour tous les dictateurs. À aucun moment... Mais on est d'accord. Mais du coup, à ce moment-là, si cette base est suffisamment importante, est-ce qu'il n'est pas légitime de fait? Ben oui, non, mais ça, c'est toujours la question du dictateur éclairé. À partir du moment où le dictateur est du côté du peuple, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'une démocratie, quoi? On est d'accord. Ça ne sert à rien. Et on se demande aussi, enfin, il y a aussi beaucoup de sous-intrigues un peu rapides qui sont passées, mais l'une des plus importantes, où on veut parler rapidement, c'est que ce type était quand même antisémite. Oui, alors, oui, d'accord. C'était ça le... il n'était pas antisémite. Il n'était pas antisémite. Il était antisioniste. Oui, alors... Attention, c'est parce comme que, ça sais qu'il que l'antisionisme est quand même le nouvel antisémitisme. Oui, je pense que tu as écouté le discours d'Emmanuel Valls récemment. Oui, mais globalement, antisémite, mais... antisioniste, anti-israélien en tout cas. Voilà, il était anti-israélien et du coup il avait accueilli les terroristes palestiniens, si je puis dire, c'est ainsi, ça. Qui avaient détourné un avion qui était censé faire Tel Aviv-Paris ou un truc c'est comme ça. Exactement. Et voilà, il avait, cet avion avait atterri en Ouganda. Et du coup, le dictateur... Mais il n'a pas toujours été anti-israélien, en fait. C'est ça qui... On va dire anti-israélien pour simplifier, mais il n'avait pas toujours été anti-israélien. Il a eu à couper les liens avec Israël à un moment, notamment pendant la période où il voyait que la pression internationale se posait sur lui. Mais ce n'était pas un rigolo, quand même, globalement. On ne va pas sanctifier ce type. Il a quand même viré tous les Asiatiques de son pays. Il a fait ça, à un moment. Il a fait déporter 50 000 Indiens... les Indiens dont tu parlais qui étaient venus pour faire les chemins de fer, qui sont restés pour devenir des tailleurs ou je sais pas quoi, et qui se sont finalement fait rejeter et virer par Idi Amin Dada dans les années 70 en Ouganda. Et ce qui est fascinant avec ce type, c'est un truc qui a été dit à la fin par le personnage principal, en tout cas comme il est présenté dans le film, c'est que c'est pas un dictateur, en fait. C'est juste un enfant qui a beaucoup trop de pouvoir. Oui. C'est un Donald Trump sans limite, en gros. Et moi, c'est un peu ce que j'ai beaucoup vu. Je sais que c'est facile de taper sur Donald Trump, mais l'immaturité dont il fait preuve, en fait, et je trouve qu'il se rapproche assez quand même de l'immaturité dont peut faire preuve le président américain actuel, leader du monde libre, président du monde actuel. Donc, il y a quand même deux, trois trucs assez rigolos sur ce personnage. C'est un type qui s'est auto-proclamé président à vie. Classique. Ça, président à vie, classique. Mais il y a d'autres trucs beaucoup plus rigolos. Des trucs beaucoup plus rigolos, mais je n'ai pas... Tu ne les as pas sous les yeux. il s'est proclamé dernier roi d'Écosse, déjà. Dernier roi d'Écosse. Il s'est proclamé seigneur de toute l'Afrique. Et de l'Ouganda en particulier. Général de toute l'Afrique et de l'Ouganda en particulier. Maître et possesseur de tous les animaux sur terre et de tous les poissons dans la mer. Voilà. Il est allé beaucoup plus, très très loin. Il aimait aussi pas mal se balader avec ses différents insignes qu'il s'est mis sur. Oui, ça c'est un truc très très drôle aussi. Le bruit des médailles qui sont sur son costume quand il avance, quand il est là. Cette présence du bruit des médailles qui sont partout. Alors ça, pour le coup, ça, c'est un truc dont j'avais envie de parler. C'est ce côté parodique, presque, du modèle occidental de domination. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, je trouve, quand des résistants à une certaine forme de colonialisme, en tout cas des gens qui se prétendent résister à une certaine forme de colonialisme pour ne froisser personne, reprennent finalement exactement les mêmes codes que la société qu'ils entendent combattre, mais pour les retourner contre elle. Et du coup, ce truc d'Amin Dada avec toutes ces médailles, moi ça m'a fait penser à la propagande de l'État islamique avec ses codes hollywoodiens. Je trouve que c'est toujours un espèce de truc parodique de l'Occident qu'on déteste, mais dont on reprend quand même toujours les codes parce que on le déteste parce qu'on l'a subi, on l'a vécu et on l'a intégré, quoi. Et du coup, c'est typique d'Amin Dada. Toutes les médailles, c'est les médailles qu'il aurait voulu recevoir des Britanniques. Mais qu'il n'a jamais eu, parce que c'était quand même un ancien officier de l'armée britannique, évidemment. Et il y a aussi un rapport, il y a un truc que j'avais trouvé aussi assez fascinant, c'est le personnage principal, s'il s'est fait avoir, c'est aussi beaucoup par nationalisme, si tu veux. Oui. Donc le film porte le titre du dernier roi d'Écosse, mais parce que Amin Dada est fier d'être écossais, il faisait ses parades avec des Africains en kilt et tout ça. Mais le personnage du médecin joué par McAvoy, le docteur Garrigan, c'est un écossais à la base. Ouais. Et dans tout son parcours, vis-à-vis d'Amin Dada, il avait aussi des gens qui essayaient de l'approcher pour faire tomber Amin Dada, notamment le gouvernement britannique. Et ce qui l'empêchait d'aller vers eux, c'était son propre racisme, en fait, qui n'était pas tourné, étrangement, vers le dictateur africain sanglant, mais plutôt vers ses propres colonisateurs, qui étaient les Anglais. Du coup, il passait son temps à assumer « je suis pays de Galles indépendant, plutôt Écosse indépendante », et du coup, à refuser le rapport qu'il pouvait avoir avec des gens qui pouvaient considérer, en tout cas que tout le monde considère comme ses potes ou ses frères, qui sont les Anglais. Donc il est là, oui, je suis écossais, je ne suis pas britannique, je suis écossais. Et par racisme, il finit par renier sa culture au détriment d'une culture qui, finalement, comme tu l'as dit, n'est pas particulièrement joujou, qui massacre des gens et qui coud des gens, quoi. C'est quand même assez fascinant. Je sais pas pourquoi t'es parti sur cette voie à la fin. Je crois que très bien. Je sais que tu as dit de descendre. C'est pas comme ça. J'essaie de descendre. C'est la fin de ce troisième épisode de Glovoque. On est très contents de le passer avec vous. On a appris beaucoup de choses sur l'Ouganda ce soir avec 10130. On a appris pas mal de choses sur le Glovoque ougandais en particulier. Le Glovoque ougandais, moi je le retiens principalement comme un Glovoque social, un Glovoque ouvert d'esprit, ouvert aux autres espèces, aux autres cultures, ouvert à tout. Exactement, un Glovoque qui tend la main. Donc vous pouvez nous retrouver toujours sur notre Instagram Kunta Libre, K-U-N-T-A _ libre. On est aussi sur Facebook maintenant, c'est toujours la page Glovoque que vous connaissez depuis le dernier épisode. Et je crois qu'on n'en a pas encore parlé dans cette émission, mais il y a aussi un autre podcast qui s'appelle Archivoque, dans lequel nous participons avec 10130 et moi, et aussi avec un autre garçon qui s'appelle Jean-François, le podcast qui est coproduit et co-animé par 10130 et Jean-François, et il m'arrive de chroniquer de temps en temps. En ce moment il n'est pas trop actif Archivoque, mais ça va revenir dans un futur proche, on va s'y remettre. On espère que vous avez passé un bon moment en nous écoutant, on espère que vous allez passer une bonne semaine d'ici le prochain Glovoque. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à l'attraper ce coup-ci quand même, ce fucking Glovoque. Katino njagala chai chirua Ngate ya kakondo na yonjagala Tombita moralu unga kwa sobya Mama wandesa musacha wange Wengwa ya gala nonyo mfubuka Songa mazima zenari mwagala Katino njagala chai chirua Ngate ya kakondo na yonjagala Tombita moralu unga kwa sobya